tu devais manger quelque chose. Il y a quelque chose à manger ici. Il y a quoi à manger à la cuisine? Je peux faire ce qu'il y a. Fais-lui donc le lait. Non, c'est moi, vas-y, fais le lait. Fais justement la tasse de lait simple. C'est bon. C'est entre toi et moi, d'accord? Sans toi dégager. On prend la quatre tranches de la puberté. Commençons depuis le bas. Depuis le bas âge, d'accord? Et remarque, Père Kaidi, depuis le bas âge, il parlait des jeux entre les enfants. Je me rappelle quand j'étais à la CIM. J'étais en classe pendant que le professeur était à la CIM. Arrête-moi, c'est fausse comme ça. Je m'appelle quand j'étais à la CIL en classe. J'étais avec le professeur était enseigné. J'étais en train de jouer avec mon voisin. Subitement, je ne sais pas ce qu'il m'avait dit. Et il m'a dit que je me suis levé. Ça c'est la CIL. À la CIL, oui. Ménage. À la CIL, j'avais peut-être 4 ans. 4 ans, oui. À la CIL, 4 ans. Arrête ce que je m'appelle. J'étais en classe à la CIL. Mon voisin, maintenant, je ne sais pas. On a fait un signe. Ou qu'on fait. Je ne sais pas. À la CIL. Oui. Et le monde sait. Le monde sait. Oui. Tu racontais ta part, tu crois que tu étais grave. Hein? On va suivre ici. À la CIL. Donc à la CIL, oui. Vous êtes à l'école, en oui. classe. Oui. La classe est finie. Non, il y a le bruit, tout. Comme on joue un peu, mais en classe quand même. C'est un voisin. Mon voisin de classe. Toujours petit. Oui, petit comme vous. Vous faites seulement des signes. Oui, on s'est seulement compris. Oui. Je me suis levé. Mm-hmm. Il a baissé mon caleçon. Oui. Il a mis les doigts. Oui. Après, il a dit que non, laisse. Mm-hmm. À l'intérieur de la classe. Oui. Il y a le bruit. Oui. Après, il a dit que non, laisse. Il ne veut plus. Mm-hmm. C'est pas bien. Mm-hmm. Et c'est comme ça que. Nous sommes là à l'âge de dans les 30, 4, 35, 56 oui. ans. Mais regardez ce que la pensée qu'il peut y avoir. Oui. Mm-hmm. Et c'est comme ça que, avec mes enclats, bon, ça m'a réveillé. Une pensée. Mm-hmm. Et je maintenant quand je les mamans, mm-hmm. j'avais pris l'un de toujours mes camarades, pas mes camarades de quartier, mm-hmm. qu'on a pris. Comme pas, je ne suis pas de maman, mm-hmm. je suis la mère, tu es le père. Mm-hmm. C'est moi qui ai proposé. Mm-hmm. Et on allait se cacher derrière la voiture. Mm-hmm. Moi, on ne savait pas comment faire. Mm-hmm. On a fait ce qu'on pouvait, mais on ne savait pas. Vous venez cette inspiration-là. Je... Qu'on commence à dire qu'on va faire plutôt comme ça, comme ça, comme ça. Oui, je ne sais pas. Mm-hmm. Ça venait comme c'est ça, comme c'était naturel. Oui, je ne comprenais pas. Parce que je ne veux pas dire que c'est la télé, parce que je ne voyais pas la télé. Mmh. Je ne voyais pas. C'était à peine quand le câble, le temps là. Peut-être mmh. que les Hélène, mais il n'est pas trop les choses perverses comme ça. Non, je ne sais pas. Mmh. Et... Attends, ça t'a surpris quand il dit que allons, depuis le bas âge, le jeu, pendant, concernant les jeux. Pourquoi quand il dit ça, pourquoi tu as souri? J'ai souri parce que j'avais l'impression que c'était Dieu qui me parlait. Mmh. Oui. Maintenant, après ce qui s'est passé, j'aimais maintenant plus parler des choses comme ça. C'est ce que tu as dit là, ta camarade, elle connaît. Elle ne connaît pas. Donc, elle a découvert comme ça, comme nous là. Elle découvre. Mais moi qui suis devant toi, est-ce que tu penses qu'il peut connaître quelque chose? Non. Mm-hmm. Donc maintenant, comment il fait donc pour poser la question en spécifiant ces choses-là? Parce qu'il sait que le Saint-Esprit est venu. Ok, allons-y. Oui. Donc, tu l'as compris, ce n'est pas par rapport à toi. D'accord. Oui. Ah, d'accord. Bon, après, j'ai maintenant fait déjà des commentaires sur les choses, la sexualité. Étant jeune, mm-hmm. j'aimais qu'on parle un peu de filles, garçons. Mm-hmm. J'aimais. Et nous, on a voyagé. Maintenant, à l'âge de 6 ans, nous avons voyagé pour aller au Nord. Mm-hmm. Au Nord, oui. Arrivé au Nord, il y avait un garçon là, c'est comme si j'avais les cours de foot pour lui. Ça c'est quel âge? 6 ans, 7 ans. Si tes cours de foot à 6 ans, c'est fort, hein? Pas vrai? Oui. Déjà qu'à l'école, à la CIL, tu vois quelqu'un qui dit on se retrouve, il comprend directement, même si que lui-même c'est pas facile. et là, celui-là, avant qu'on... tu le connais encore, tu peux le reconnaître? Oui. C'est le petit là, que tu avais vu là-bas. À la CIL. Non, je ne peux plus le connaître aujourd'hui. Okay. C'est passé. Ok, mm-hmm. passé. C'est juste qu'il était à Douala là. Oui. C'est à la Gawa. Mm-hmm. Fréquenté. Il savait le coup de foot. Et il s'amenait quand on se voyait. Mm-hmm. On se querellait seulement. Mm-hmm. C'est quand c'est que vous querellez. Oui. Mais vous vous aimez. Oui. On s'est quand même caché de son côté. Mm-hmm. Mais quand on se voit, on s'insulte, on se querelle. Mm-hmm. Vous n'avez pas, c'était rare qu'on avait la paix ensemble. C'est seulement un jour, on a dit qu'on pas jouer au cache-cache. C'était, elle est partie jouer au cache-cache. Il m'a proposé maintenant, comme il y avait son ami qui devait nous surveiller. Il a proposé qu'on se cache au même endroit. C'est là que quand on se cache au même endroit, c'est là que on, même comme on ne savait pas comment le faire, on a quand même essayé de le faire. Vous faisiez quoi au juste? Quand vous revenez, il est là, tu es là, à l'âge de 6 ans, qu'est-ce que vous faisiez comme pratique? On était dans la chambre. On était dans ce couloir. Tu vois, dès que je me suis cachée, en fait, c'est lui qui m'a surpris parce que je n'avais pas ces mauvaises pensées. Je savais qu'on se cachait. Dès qu'il est seulement venu vers moi, commencer à m'embrasser. Embrasser sur la bouche? Oui. Et toi, à 6 ans, tu ressentais quelque chose? Rien. Rien. Mais vous faisiez seulement? Oui. Oui. Et il a abaissé son pantalon. Il a soulevé ma bouche. Et en fait, il n'a pas abaissé son pantalon, il a ouvert plutôt sa baguette. Il a un peu soulevé ma bouche. Il a un peu essayé de se coller sur moi. Après, moi je me sentais plutôt gênée. Mais je me laissais faire. Après, il est quitté. On est sorti. Le jeu de cache-cache est terminé. Oui. C'est donc comme ça que tu as grandi dans ces choses à répétition. Du nord au sud. Oui, il y avait encore un autre garçon. Il semblait que comme ce gars, je voulais être avec lui. À l'âge de 7 ans maintenant, je voulais être avec lui, mais je ne pouvais pas lui dire que je vais être avec lui. Et lui ici, il est sorti. Tu devais être avec lui pour faire quoi au juste à 7 ans? Je ne sais pas, je voulais seulement être avec lui. Je ne sais pas, je ne sais pas comment il faut expliquer, mais j'avais ce désir d'être avec lui. Parce que c'était ce garçon qui me plaisait dans ce camp. On était dans un camp, ce garçon qui me plaisait. Et moi aussi, je lui plaisais, mais on était orgueilleux. On se citait seulement sur lui. Maintenant, il y avait le voisin qui était là. Maintenant, c'est là que moi, je l'ai appelé. On était là. Je l'ai appelé. J'ai dit que le match, c'est fait. Il m'a maintenant dit qu'on n'a pas fait bisous. Ce que je lui ai dit. Allons faire bisous. On est parti se cacher là. Vous avez fait bisous. Je l'ai déshabillé. Il dit que allons faire bisous. Je l'ai caché. On se cachait pas chez eux. Je l'ai déshabillé. Au début, c'est moi qui lui l'amenais. Maintenant, oui, c'est moi qui l'amenais. Maintenant, pour coucher ça, on ne savait pas comment on devait faire. Lui, il dit qu'il part par derrière, il dit que non, qu'il part par devant. Je ne sais pas à quoi ça le tel fonctionnait. Oui. Il dit comme Adam et Eve. Il dit que non, partons par derrière. Il part par derrière, il dit que non, ce n'est pas romantique. Partir par devant. Ce n'est pas romantique. Oui. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça, c'est là, j'ai 7 ans. Oui. Il part par devant. Maintenant, comme on t'a dit, c'est à quoi, gars? On laisse même comme ça. Oui, les sons, on n'a rien fait. C'est là que j'ai grandi. On est revenu, nous sommes revenus à Douala. J'ai grandi. Dès que je suis arrivée à Douala, j'ai fréquenté une école de filles. Dans cette école, il semble que maintenant, je ne sais pas, un jour, j'étais en train de voir la télé avec ma grande soeur. J'avais maintenant l'âge de 12 ans. Là, tu avais déjà les poitrines développées. Oui, à l'âge de la poubelle. Oui, j'avais la poitrine développée. Est-ce qu'elle va parler autour aujourd'hui? Je parlais, bon, en fait, j'étais avec ma grande soeur. On était en train de voir la télé. On voyait la télé naturellement, ça ne faisait rien parce que mon père, mon grand frère, il m'avait souvent dit que quand les gens s'embrassent à la télé, je tourne ma face. Ne sachant pas que depuis la série, tu embrasses déjà ça, que tu fais ça sans je le faisais sans désirer. Elle dit comme ça sans s'en rendre compte que déjà à la maison, depuis l'âge des 4 ans, tu le fais déjà depuis. Oui. Oui. Et en plus de cela, quand il m'a dit ça, j'obéissais. Quand il a s'embrasse, il me cachait. Mais tu n'étais pas curieuse? Non, j'obéissais franchement. Mais quand il veut s'embrasser, je me tournais. Je me tourne. Tu connais la période où on devait s'embrasser? Oui. Je connaissais déjà. Tu sais que ici, l'embrassement va commencer. Oui. Je me tourne. Et une fois, Oui. Mais là, j'étais avec mes copines. Maintenant, j'ai constaté que quand je me tourne, je suis la seule personne à me tourner. J'ai ménagé à mes copines que quand ça mon grand frère dit que quand elle s'embrasse, on ne doit pas voir. Avant que il s'amuse, ou elle s'est moquée de moi. Avant qu'elle dit que c'est pas important, voyons alors. J'ai laissé la fête. Maintenant, arrivé maintenant à Douala, c'était là-bas, non. C'est arrivé à Douala. On a grandi, tout est passé, ma paix et les choses, mais c'est qu'à l'âge de 12 ans quand même, je vais être là avec ma grande soeur. Il s'amuse que maintenant, on a vu un film jusqu'à. C'était vers minuit, on a vu un film. Le sommeil nous est pris. Ma grande s'est dormi déjà. Là, je s'apprends, le film est fini. J'appelle aussi, comme c'était intéressant, j'appelle aussi. Là, tu as quel âge? 12 ans. J'appelle aussi pour voir si un film est intéressant. C'est là que j'ai maintenant. Tu es tombé sur la pornographie. Voilà. Là, tu n'as plus tenu les yeux. J'ai regardé plutôt ma gagne, c'est celle d'un pied. Tu souviens que c'est plutôt elle qu'il faut recevoir que nous. Oui. Après, celle se tourne, je change pour faire comme si je changeais sur ma télé. C'est là que ça a commencé à m'intéresser. J'ai vu, les gens m'ont dit qu'à l'heure-ci, on mange à des feux. Donc, chaque. Tu as regardé que, ok, donc ça c'est tard dans la nuit. Oui. Donc, ça veut dire que c'est souvent tard dans la nuit qu'on mange déjà des films. Oui. Tu t'es donc préparé en conséquence psychologiquement à être là à cette heure au rendez-vous. Oui. Oui. Je suivais, c'est suivais. Bon, tout le temps à minuit, je me rassurais toujours. C'est, j'attends, même si les moustiques me piquaient, ça ne me dérangeait pas. J'attends l'heure là qu'on voit. Restons au niveau de la première. Oui, contrôle comment ça. Restons au niveau de la première expérience. Quand tu as vu ça pour la première fois, quelles sont tes intentions? Quelles sont les choses qui arrivaient dans ton corps? Qu'est-ce que tu ressentais? Moi, c'était d'abord une curiosité. Et ça me plaisait de le voir. Ça m'intéressait. C'était comme si c'était quelque chose que j'attendais depuis pour le voir. Ça me plaisait. C'était comme un soulagement. Et que enfin, voilà ce que je devais voir depuis. Par exemple, quand j'étais souvent avec mes camarades, souvent je m'enfermais. Je m'imaginais même des scènes un peu perverses. À l'âge de 12 ans. Oui. Sans voir à la télé. Je n'avais pas vu ça à la télé. Je m'imaginais toutes les positions possibles sans voir à la télé. Et j'étais seule. Je m'imaginais seulement comme ça. Maintenant, quand je vois la télé, ça me plaisait, mais ça ne me dérangeait pas dans le corps. Mais ça me plaisait juste de le voir. C'était un plaisir pour moi de le voir. Je pouvais voir jusqu'à 4 heures du matin, ça ne me dérangeait pas. Mais quand ça finissait, bon, je partais dormir, je fallait que je pas en classe. Et à l'école, tu n'étais pas fatigué ou vu une fête parce que non. Tu étais en forme. Oui. Et tu racontais avec ta copine tout ce que tu voyais. Quand vous avez des intimités, des enfants, non. De filles, tu gardais seulement en secret. Tu priais seulement que minuit arrive vite. Oui. Même si je dors, je règle l'heure, me lever. Pour aller. Je ne ratais pas mes camarades. Et jusqu'à ce que un jour en classe, il y a une fille. Je pense qu'elle était lesbienne. De ma salle de classe. Ça, c'est quelle classe là? Là, j'étais, je peux dire, j'avais 16 ans déjà. 16 ans, je devais faire peut-être le cap. Je devais faire le cap seconde. Non, c'était le cap 15 ans. Le cap. Il y a une fille, là son téléphone, il avait de la pornographie. Elle était assez courageuse pour montrer ça en classe. Entre les filles. Vous voyez ça comme ça là? Oui. Les garçons et filles voyaient? Non, j'étais dans une salle de filles, une école de filles. Ok. Seulement les filles présentées. Et la fille était lesbienne. C'est après que j'ai su. Elle était un peu déjà un garçon manqué en classe. Elle avait apporté son téléphone quand il y avait la télévision. C'est quoi, c'est le téléphone qui la donne la télé, ça venait juste de sortir. Oui. T'es nous en fait. La qualité qu'on en a. Voilà. Puis, oui. Elle mettait de la pornographie en classe. J'avais honte de voir ça devant mes camarades. Mais je voulais voir. Mais j'avais honte de voir devant mes camarades. Et il y avait, c'était un peu de scène parce que ce que je voyais à la télé était un peu simple. Mais pour elle, c'était encore des scènes assez violentes que ça me choquait. Ça me choquait. Bon, j'ai laissé. À un moment donné, j'ai cessé de voir. Et donc, ça, c'était quelque chose de régulier dans la classe. Oui, elle amenait. Et personne ne se plaignait à la. Non. Non, on était seulement entre nous, à la permanence. On était seulement entre nous, personne ne se plaignait. Oui. Oui, mais. Mais tout à l'heure, avant que tu commences, tu ne continues là-bas, tout à l'heure, tu as dit que. Cette chose, tu rends grâce à Dieu pour cette circonstance. Pourquoi tu disais que tu rends grâce à Dieu pour cette circonstance? Pour ce moment, c'est quand tu dois te parler. Parce que j'avais toujours voulu qu'une occasion comme ça. Je rends grâce à Dieu pour cette circonstance parce que j'ai toujours voulu que c'est une situation arrive où je peux me confesser et dire ce que je faisais. Parce que pour moi, c'était un fardeau de le garder. Donc, tu traînais ça depuis? Oui, depuis. À un moment donné, j'avais l'impression que c'était réel, sans être réel. Je ne sais pas comment je pouvais expliquer ça. Donc, tu étais dans un film, dans un univers de... Oui, un univers. Parce que, même dans mes rêves, j'avais rêvé, il y avait deux colosses. Non, on va voir, bon, l'autre là, je vais pas des rêves, d'accord. Laisse-moi toucher le pourquoi, pour qu'on comprenne le pourquoi tu en as dit que tu rendais grâce à Dieu pour cette période-ci. Revenons maintenant à ta camarade lesbienne. Oui. Bon, elle... Ça, c'est à l'âge de 15 ans, tu es en seconde. Oui. Et vous êtes dans les classes de filles. Oui. Elle amène les films. Pornographie. Oui. Donc tu commences à remarquer que c'est ce qu'on commence à voir déjà dans ton, dans ton témoignage, comme j'avais dit dans un des témoignages, dans un truc de réactivement spirituel, lorsque vous commencez à travailler avec Satan, il commence à évoluer vous, il vous met toujours les gens dans votre voie qui va vous pousser à avoir des profondeurs en profondeur. Et dans le cas échéant pour toi, quand ce sont les sorciers, les gens des marabouts, tu vas mettre des gens à côté de toi qui vont te pousser à aller chez le marabout. Comme tu n'as pas été dans le domaine sexuel, depuis l'âge de 4 ans, quand il te conduit, c'est-tu dans le domaine sexuel, pour que tu aies pas de plus en plus en profondeur. Et tu remarques que la pornographie que tu as dit que tu voyais des nuits, que tu étais abonné, quand on a monté, quand ta camarade apporte la pornographie, c'était encore plus violent. C'est que ça te heurtait. Et tu vois effectivement que c'est une lesbienne. Donc, vous ne le voyez pas vrai. Donc, elle entre davantage dans les profondeurs. Mais elle, avec cette scène violente là, c'est là que j'ai dit, ah. Donc, il y a les filles qui voient aussi ça. Et elles sont assez courageuses. Elles n'ont même pas honte. Et j'ai maintenant constaté que c'est quelque chose de normal de le voir. Mais je ne pouvais pas. J'avais honte parce que d'un côté, je savais que ce n'était pas normal. Mais c'est le courage qui me. Son courage qui me choquait en fait. Le courage de qui? De ma camarade de semaine là. Elle faisait sans désinvolture. Oui. Bon, en tout cas, ils ont commencé à parler que oh la chatte, que les filles font ça, comme ça, les filles, c'est normal. Oui, en stand de société. Oui. Elle parlait comme ça. Et quand mes camarades avaient les petits amis, ils ont même fait les commentaires, garçon-fille. J'aimais bien m'intéresser à les commentaires. Bon, un peu comme j'étais la plus jeune de ma salle de classe. Et elle voulait me chasser un peu que non. Le bébé. Et maintenant pour qu'elle m'introduise, je me sentais obligée de leur mentir que j'avais aussi ma part de famille. Bon, je l'ai vanté une histoire juste pour que vous m'intéressez à elle alors. Et puis, c'est passé. Bon, pour les pornographies, je ne m'intéressais plus un moment. À télé, je ne voyais plus. Mais quand arrivé en terminale, une autre fille. Restons sur cette fille-là. J'ai su qu'elle était lesbienne. Non, j'ai su quand. En fait, ce n'est pas moi qui ai su, c'est l'école qui a su. On l'avait découvert aux toilettes avec une autre fille, on les a renvoyées. C'est là que j'ai su, parce que quand on se voit au salle de sport, elle me tripotait un peu. Mais ça me disait, moi je savais que c'était normal, c'était le jeu. Là que j'ai maintenant compris que, ah bon, c'était vraiment une lesbienne. Quand elle tripotait, elle disait quoi au juste? Elle voulait faire quoi? Non, elle touchait dans les parties intimes. Peut-être que sa poitrine, bon, pas trop, je sais que c'est normal. Bon, je pas. Comme si tu croyais que c'était le taquinage. Oui, c'est taquinage. En fait, on se taquinait, mais pour elle, c'était un peu bizarre. Mais... Et le motif de renvoi était quoi? On a dit quoi en disant pour la renvoyer? Qu'est-ce qu'il y a des idées à son sujet? Lesbinage. Ils sont deux. Dans ta salle de classe? Oui. On les a trouvés aux toilettes. Au couloir des toilettes, le professeur qui les a trouvés, on les a renvoyés. C'était plus ça. Et aujourd'hui, est-ce que tu es la première? Encore, tu vous êtes vu depuis après cela? On s'est vu, c'était parce qu'elle me devait de l'argent, c'est juste ça. Mais les relations là, non. Mais elle continue toujours dans cette voie là? Peut-être, bon, peut-être, je ne sais pas. Ok. Mais sa copine est décédée dernièrement. Je ne sais pas pourquoi. Et là, on est en terminale, on se retrouve maintenant en terminale. On se retrouve en terminale. Nous sommes en quelle année? Nous sommes en terminale, c'était en 2010. 2010. Non, 2013. 2013. Oui, allons-y. 2013. Il semblerait maintenant qu'une autre fille est venue ce jour avec la télé, avec les pornographies là. C'est là maintenant que j'ai eu le courage et je voyais maintenant bien en classe. Tu étais déjà grande. Oui. Tu étais à l'université, la classe plus élevée. je voyais maintenant bien en classe. Termine, j'avais une autre camarade qui me dit que ya. Je sais pas comme ça, Une fois que vous voyez effectivement que chaque fois qu'elle avance, elle avance dans ce même domaine. C'est ça, son domaine de péché qui l'attrape là-bas. Je voyais. J'étais tellement concentrée que le cours ne m'intéressait plus. Par contre, faisait mon cours, je voyais moi. Tu étais directeur à l'école? Pendant qu'on faisait le cours, je voyais et ma camarade disait que ya. Elle était mariée, mais dit que ya, tu feras comme ça. Elle était mariée? Oui. Elle me disait ya. Il y avait maintenant un trou là-bas à l'école, il y avait un homme qui se lavait. Et c'est là que quand il se lavait, mais comment dit qu'il y a un homme là-bas qui se lavait. Mais comment il dit qu'il y a un homme là-bas qui se lavait. Elle a commencé à guetter. Première fois que j'ai guetté, ça m'a d'abord choqué. Maintenant, après, j'ai continué à guetter. Mais ma conscience m'a jugé. Après, j'ai arrêté de guetter. Bon. Maintenant, les vacances sont arrivées. Je suis allé à la vacance à Yaoundé. J'ai un ami de mon père. J'ai rencontré. Je l'emmène dans la même chambre avec sa fille. Chaque soir, il causait avec son petit ami. Au début, ça me dérangeait. Maintenant, on a commencé à parler de tout et de sexe. Alors qu'elle et moi, on voulait essayer ensemble. Oui. Qui a pris l'initiative? C'est venu comme ça, de façon spontanée. Oui, comme ça. Là, on causait d'abord. Parce qu'elle, elle était encore vierge. Et elle voulait, en finir avec ça, avec son petit ami. On a commencé à causer par rapport à ça. Subitement, je ne sais pas ce qui s'est arrivé. Et nous, on a commencé à vouloir le faire ensemble. Quand elle dit à vouloir le faire ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Elle a commencé à me dire que on peut essayer, non? Oui. Et là, maintenant, comme on était des filles, on s'habille en pyjama. Elle a commencé à me lécher la poitrine. Et moi, je la caressais. Et là, maintenant, dans les maisons, là, dans cette maison, quand on ne sait pas, fille avec fille, garçon avec garçon, c'est pour éviter l'impudicité. Oui. C'est ce que la pensée. Oui, dit. Les parents. On fait comme ça, les parents font ça pour que les garçons ne touchent pas les filles. Mais jusque-là, il y a toujours danger. Oui. Avançons. Oui, après, je me suis sentie gênée. Après, je lui ai dit que les sommes comme ça. Il y avait son cousin qui était en bas un autre jour. Son cousin, on avait dit que. On a commencé à lui parler que toi, tu aimes trop Yah, que tu es trop dur. Nous, on m'a fait transpirer. On l'a appelé un jour dans la chambre la nuit quand tout le monde dormait. On l'a déshabillé. Pendant qu'elle l'embrassait, moi j'étais en train de lui. En fait, je ne sais pas comment on appelle ça. J'étais en train de lui caresser son sexe en fait. Parce que mon but, je voulais l'exciter. Et lui, mais je me sentais gênée de le faire. Et elle aussi, pendant qu'elle embrassait, lui cassait le sexe, lui cassait le sexe. C'est son cousin. C'est son cousin. Oui. Elle embrassait, lui cassait le sexe. Après, il me sentait gêné, j'ai laissé. Et qu'est-ce que sa cousine a fait? Elle a aussi laissé après. Et quelle était la réaction du garçon pendant que vous faisiez tout cela? Quand elle venait dans la chambre, il voulait quoi? Il voulait être. C'est nous qui l'avons appelé. Il ne savait pas pourquoi il était là. Il savait qu'on l'appelait. On avait dit qu'il vienne. Qu'il vienne, on va le faire transpirer. D'où viennent toutes ces pensées? Ce qui est là, je ne sais pas d'où ça venait, parce que pour moi... Juste parce que vous faites l'entendre pour faire la criminalité. Oui, on s'entendait. Et pas derrière, il savait qu'eux, ils ont continué. Je ne savais pas. C'est après que lui m'a dit. Donc tu es venu s'aimer la sémence d'avant, tu es toi parti. Oui, ils ont continué pas derrière. Donc, dans la même parce que quand je commençais, au début j'étais fière de commencer, après j'étais... Chaque fois, il y a toujours quelque chose pour dire que ta voix n'est pas bonne. Oui, qui me bloque, je recule. Gardez ceci à l'esprit. Chaque fois qu'elle veut avancer jusqu'à une profondeur, jusqu'à un niveau, il y a toujours quelque chose à l'intérieur pour dire que frère, alors que l'autre continue. Oui. C'était là. Bon, je suis quitté de Yaoundé, je suis revenu à Douala. À Douala maintenant, c'est là que maintenant, j'ai rencontré une soeur, en fait une femme, elle avait écrit là-bas les tresses. Avant les tresses là-même, j'avais toujours ce désir de séduire les hommes, je ne sais pas pourquoi. Chaque fois, parce que j'avais toujours l'occasion d'avoir l'argent, les Noël et d'exemple. J'aimais l'extravagance. J'aimais toujours qu'on voit ma poitrine. Je mettais les mini-jupes. Quand tu mettais cette mini-jupe, justement, intéressante là-bas, quand tu mettais cette mini-jupe, quelle était ton intention dans ton cœur? De séduire. Je voulais me sentir désiré, en fait. Je voulais qu'on vienne, mais moi, me drague pour rien. Mais je ne voulais pas aller loin. Je voulais juste que tu me dragues. Je voulais, si j'avais le pouvoir d'envoûter, je devais le faire. Je voulais seulement ça. Et tu as, dans cette processus-là, tu as réussi ton coup, beaucoup de personnes t'ont senti attirées. Bon, je sais que, oui, j'ai réussi à me faire attirer par... Et ce que je ne comprends pas, c'est que les gens que je réussissais, ce sont des gens que je ne voulais pas être avec eux. J'ai réussi à le faire. Un exemple, je me suis habillée, je voyais Nicki Minaj, j'ai dit que je vais essayer, je voyais comment elle faisait ses formes, et j'ai pris pour elle modèle. Oui, comme Nicki Minaj. Nicki Minaj. J'ai mis, c'est la première fois, c'est pour ça même, j'ai mis pour la première fois les fossiles. Une longue greffe. Quand on se voyait dans le miroir, tu étais comment? Tu pensais que j'étais belle? C'était vraiment comme Isabelle. Parce que je me voyais, je voulais aller en avant. Si j'avais l'argent pour acheter les cils, les antilles, je devais acheter, je devais le faire. Quand j'ai mis, bon, partout, bon, au début, quand je mettais, je marchais, je m'habillais, on ne me regardait pas, ça me dérangeait. Mais quand tu te mets Mickey Mijas, quelqu'un te regarde pas, ça me dérangeait, je réfléchis, Je l'ai mélangé ma camarade, elle m'a dit qu'elle a son gars, qu'il l'a invité au SINAC, et que c'est une copine qui peut venir avec lui. Je ne savais pas qu'il avait sur son gars qui veut peut-être une fille avec qui il va sortir, peut-être avec moi. Je suis allée là-bas, j'ai vu le gars là, je l'ai vu, il ne m'intéressait pas. Je n'avais même pas son temps. On est arrivé au bar. Je t'habillais, j'étais très extravagante. Très extravagante. Donc, j'étais inaperçue. Parce que même au bar, beaucoup. Parce que hommes comme femmes me regardaient. Ça veut dire que la qualité que tu étais habillée là, même les hommes, même les femmes, comprenaient que non, là, tu as dépassé les limites. Ça me plaisait franchement. Ça me plaisait franchement. Et bien que j'étais là, et je baissais un peu mon haut parce que je voulais qu'on voie ma patrie. Donc tu baisses ou tu écartes toi-même? Non, j'avais arrangé, non. Oui. Ok, tu baisses le haut que ça descend pour que la poitrine puisse être visible vers le haut. Oui, je voulais. Ok. Je voulais. Là, j'ai vu maintenant un homme, il était un peu chaud. Il avait l'air d'avoir les moyens. Bon, en regardant physiquement, tu as senti que celui-ci, la façon que sa peau est, oui. C'est quelqu'un qui a les moyens. Oui, oui, il était un peu chaud. Il était bon. J'ai réussi à tirer mon attention. Il est venu vers moi. Maintenant, il est un peu tombé dans ce que je voulais. Mais il ne me plaisait pas. J'ai vu une autre sur. Comment tu as fait jusqu'à ce qu'il quitte de là où il est pour venir vers toi? Est-ce que c'est toi qui l'as appelé? Je ne l'ai pas appelé. Tu as seulement présenté ta poitrine. J'ai seulement fait les manières. Tout en état distrait. Tu fais comme si tu ne t'intéresses pas, mais voilà. Tu l'avais ciblé dans ton cœur. Oui. En fait, parce que je vais se manquer en cause un peu, il me donne même les dos. Il te donne de l'argent. Oui, pour rien. Mais il ne me plaisait pas. Quand il m'a envoyé un pas danser, ça ne me plaisait pas. Ça me gênait. À un moment donné, j'étais content qu'on cause. Il me racontait sa vie, il me parlait un peu de sa vie avec ses copines. À un moment donné, j'ai commencé à être gênée. Je ne voulais plus être avec lui. J'étais maintenant désintéressée d'être avec lui. J'ai subi un autre garçon. J'ai vu un autre garçon là-bas en face de moi. Très sérieux. J'ai essayé de tirer mon attention vers lui, mais il était un peu dur et solide. Il résistait à la tentation. Il résistait. J'étais toujours là. Je lui fixais. Je lui regardais. Quand il me regarde, je change le regard. Maintenant, après, on a commencé à dire qu'il faut qu'on part à la fondance. En marchant maintenant. Je ne sais pas à quel moment le gars... La même nuit. Oui. Donc, vous avez quitté le snap pour la foi. Pour aller danser. Je ne sais pas à quel moment le gars est tombé dans mon chambre. Parce que quand le monsieur qui était frère m'a dit, a dit qu'on danse, j'ai dit que, on a commencé à danser, j'ai dit que je ne veux plus danser. J'ai dit que je veux prendre de l'air. Il a dit que, ok, il descend. Maintenant, j'ai maintenant profité pour causer avec l'autre gars. Comment ça s'est approché? Comment l'approche a eu lieu? L'approche a eu lieu parce qu'il était dans son coin. Il regardait, parce qu'on était en étage, j'étais en coin, il regardait en bas. Moi, je suis venue vers lui. Il m'a dit, pourquoi tu es seule? Il m'a dit que non, il n'a rien dit, ok, je tiens en compagnie. Donc, on a sympathisé. Et j'ai maintenant constaté que lui, il s'intéressait à moi aussi. Mais comme celui qui était, c'était son meilleur ami, il ne voulait pas gâter. J'ai maintenant compris. Puis, tu te sens seule. Et après, j'ai dit, bon. Et après, j'ai commencé à causer avec lui, j'ai commencé à parler, comment on va faire. On a commencé à sympathiser, il m'a raconté son histoire, mais ça t'a intéressé bien. Après, on allait nous danser. Après, il m'a dit qu'on part en bas, on reste en bas. En descendant, le monsieur est monté avec la bouteille. Il a cassé la bouteille, il veut lui poignarder. Que merde, tu as pris ma maman. Oui, voilà, un truc comme ça. Et là, ça te plaît parce que quand les hommes lui disent comme ça. Au début, ça m'a plu. Tu dis que, on va là pour moi. J'étais contente. J'étais contente. Maintenant, j'ai vu que la mort peut sortir, le sang peut couler. J'ai commencé à paniquer. Je suis montée, j'ai appelé ma copine, son gars, qui était des amis pour bagarrer le samba. Pendant qu'il se querellait, les gens voulaient se séparer. Quelqu'un s'est tourné, dit que pourquoi il bagarre, que ça cause à Dieu une gala. Dès que les gens sont tournés pour me regarder, qui c'est moi, ma vie, qui même si c'est moi, je vais bagarrer pour elle. Les gens ont dit, j'ai commencé à descendre, on m'a dit qu'il faut partir. Je suis parti. Le gars là est venu me suivre. Pendant que le gars était derrière, je ne sais pas où il est venu me suivre. On marchait, je fuyais seulement. Il disait que n'est pas. Non, il compare, que le gars est dangereux. On commence à le saboter, non. C'est comme ça qu'il est, se contrôle pas, il est dangereux. Arrivé à un coin, il allait chercher le couteau. Il est venu à la moto. Que tu fuis, quoi, il allait son haut, il allait chercher le couteau. L'autre là, quand vous avez laissé de l'autre côté. Oui, il allait chercher le couteau. Lui ici, maintenant, il allait chercher maintenant la bouteille. Il voulait se bagarrer, vrai. C'est le mec qui est venu, mais il est séparé parce que la maison n'était pas loin. Mais là, la police est venue, on m'a raflé, moi seul. On t'a raflé, que c'est pas quelqu'un. On nous a laissé, oui. Moi seul, on m'a pris en prison. Oui. Et là, mes parents savaient qu'ils étaient sortis. On appelle maintenant mon juge. C'était déjà vers 5h, 4h. On a payé la maison qui. C'est ma camarade. Quand t'as pris, dans la police t'a dit quoi dans le cas qui t'entraînait? On a d'abord dit. Dès que j'ai vu la police, je ne sais pas ce qui m'a pris, seulement dit que je n'ai pas la pénalité. Elle dit qu'avant qu'elle entre, c'est tout. Et mes camarades ont dit qu'elle a pour eux, elle est rentrée. J'ai commencé à pleurer dans le cas. Et qui m'a envoyé, c'est que je vais sortir, que c'est quoi ma maison à côté, machin. Bon, j'ai mangé, oui. Mais ils n'ont pas compris. Arrivé au commissariat, il semblait qu'on appelait ma camarade. Appeler mes parents. On parle de coucou, on me laisse là-bas. C'est ce que tu allais chercher dehors là. Oui, qu'on me laisse là-bas. Il était fâché. Ma camarade, là, son grand frère avait le sentiment pour moi. C'est lui qui est venu. Avec mon grand frère, nous sortir de prison. Et mon grand frère m'a dit, quand m'a habillé comme une prostituée. Le gendarme a dit que bon, je ne sais pas ce qu'ils ont causé. Il a dit qu'on ne peut pas me laisser sortir comme ça. Que je monte là-bas, je vais balayer la ville, le sol avant de sortir. Dès que je suis montée. Je me suis baissé, j'ai laissé ma poitrine parce que je voulais que le policier voit ma poitrine. Comme il a vu ma poitrine, il a commencé à me draguer. Là maintenant, j'ai vu le sabbat de tomber là sur son piège. Pourquoi tu peux ne pas balayer? Oui, oui. Et j'ai même réussi parce que après on a commencé à causer, il a appelé une fille là qui vient balayer. Ils ont balayé, après tout le monde a commencé à balayer. Puis je suis sorti sans balayer. Il m'a donné le numéro. Tu as dit une bête que tu bats où? Il m'a donné son numéro après. Il m'intéressait plus, je voulais même plus son numéro, je voulais même m'effacer son numéro. Bois, mange un peu. C'est quand tu parles, là, tu peux donner l'inspiration, non? Voilà. Oui. D'accord. Je ne sais pas, après, j'ai ma camarade, elle avait son gars, elle m'avait mis au mariage avec de sa grande soeur. Son gars ne m'intéressait pas, mais pendant la fête, j'ai commencé à danser avec son gars. Jusque là, tu avais toujours ces intentions-là pour pouvoir séduire toujours. Oui, j'avais toujours. Ce qui est là, c'est que pendant ce temps, en fait, je mélange un peu les choses. Quand j'ai un enfant, avant ça, quand je suis arrivé à Douala, j'ai rencontré une femme qui a dit, c'est triste. C'est là que j'ai maintenant remarqué qu'elle chantait un peu les musiques de Dieu. J'ai une copine avec qui tu parles, tu fais que sa femme c'est une témoin. Je dis que non, c'est pas une témoin de Jéhovah. Parce que c'est une témoin, je vais en connaître. Ils vont toujours les traiter, les vivre. Je suis allée demander que tu es d'où, tu es. De quelle église? De quelle église? Elle m'a dit qu'elle est chrétienne. Parce qu'elle m'a dit que je viens de quelle église? Elle m'a dit que mon église est là-bas au marché. Si tu veux, on vient me passer à 9h. Elle m'a approché, rien. J'étais surpris. Je ne sais pas comment j'ai su. J'ai pris la longue jupe. Pris le foulard. Je me suis habillée vraiment comme que je s'habille. Sans qu'on ne me prêche. Je suis allé la suivre. Arrivé, c'était la vraie église de Dieu. Je suis arrivé là-bas. Dès que je suis rentré, j'ai dormi jusqu'à. Je me suis levé que cela allait. Dans le sentier, tu as soif comme ça, tout comme Baba là. Je dormais seulement. Je n'ai rien compris. Il y a un monsieur qui me réveille quand on dort par l'église. Ça m'énervait tellement. Qui me réveille. Mais je me suis même penché un côté. C'est comme si je regardais le côté là, mais je voulais seulement dormir. Une deuxième fois. Mais tu ne peux pas poser les questions pour savoir ce qui ne va pas à toi. Je ne sais pas poser. Moi, je me disais que peut-être je fais le sport, parce que je fais soit le sport le matin. Je faisais peut-être le sport. Une deuxième fois, quand je dormais, le pasteur dit, Paul, tu dors. J'ai l'impression que quand on m'a versé l'eau, je ne dormais plus, je suivais la parole. La première fois que j'étais attentive à la parole, on passait de l'obéissance aux parents. Donc je sentais un amour pour la parole. Oui. Comme ça m'intéressait. Là, je venais maintenant. Je venais. Et quand j'étais à Saint-Cécile, j'étais encore à terminale. Il y a le prêtre qui sortait avec une camarade, notre prêtre. Saint-Cécile, c'est quoi? Saint-Cécile, c'est mon école. J'ai une école de l'école où je fréquentais de couture. C'est ça, Douala. Oui, ça, Douala, à Mamana. On appelle Saint-Cécile, c'est l'école catholique. Le prêtre sortait avec ma camarade. Le prêtre. Le prêtre qui n'est pas censé se marier. Le prêtre, oui. Il sortait avec notre camarade de classe. Oui. Elle ne savait pas que nous on connaissait. Elle parlait de lui. On savait que c'était lui. Elle parlait de son gars. Oui, nous on savait que c'était lui, mais elle ne savait pas que nous on connaissait. Mais vous êtes fort, vous, entre vous là, pas vrai. Bon, elle parlait. Il savait qu'un jour, peut-être, le prêtre, il a prêché. Ça m'a tellement intéressé qu'il a dit que je vais épouser un prêtre dans ma vie. C'est ce que j'ai dit à une femme que je vais épouser un prêtre. Le prêtre me plaise maintenant. Que le prêtre te plaise maintenant. Oui, ce que j'ai dit. Bon, Maintenant, dans ta mère, tu cherchais maintenant les prêtres. Je, bon, parce qu'ils étaient souvent, ils étaient très frais, ils étaient frais, ils avaient une fraîcheur. La fraîcheur comme les agneaux là. Oui. Doux là. Je viens un peu quand un prêtre me drague un jour. Oui, mais même si je savais que, c'est seulement un travail, ce n'est pas sérieux avec Dieu. Il savait comme ça. Il savait qu'ils ne sont pas sérieux. Oui, il savait que c'est sérieux. Bon, c'est quand même un travail que tu lis, tu parles, aux gens. Mais il savait que ce n'est pas trop sérieux. Bon, j'ai seulement dit, mais il ne m'intéressait pas. Je parlais seulement comme ça. Je ne sais pas si t'arrêtais. Je vais revenir. Et donc, ces prêtres-là, qu'est-ce que tu voulais nous faire comprendre particulièrement par rapport aux prêtres-là depuis la terminale, là, quand tu. Depuis la Sainte-Cécile, le prêtre qui sortait avec ta camarade, ça t'a intéressé? Qu'est-ce que tu as fait avec le prêtre là aussi? Ça m'a intéressé parce que à un moment donné, on m'avait, on avait dit qu'on allait chercher quatre élèves sérieux en classe, qui ne dérangent pas, qui peuvent être honnêtes pour compter l'argent à l'église. On m'a choisi parmi ces élèves. Donc tu étais honnête? J'étais plutôt surpris comme de voir que quelqu'un est honnête, parce que moi, je savais que je n'étais pas honnête. Au contraire, c'était une occasion pour moi de soutirer de l'argent. Parce que dans la mauvaise position, ils ont choisi la mauvaise position. Peut-être parce que j'étais un peu, je sortais promener de la casse. Bon, je me suis dit que peut-être c'est parce que c'était ça. On était élève, voilà. Alors que j'arrivais, j'avais peur souvent de prendre. Mais souvent, quand on faisait des calculs, je pouvais prendre 500, je garde. Un truc comme ça, je voulais un peu de l'argent. Et il y avait les prêtres aussi, ils se montraient un peu. Ils se montraient pas trop sur eux avec Dieu, avec nous en fait. Mais ils ne se montrent pas sur eux comment? Avec Dieu. Pour moi, j'avais pas l'air de quelqu'un qui... Bon, si tu ne dis pas c'est un prêtre, tu ne peux pas savoir. Parce qu'il te parle comme s'il te drague. Tu ne sais pas si tu as dit qu'il te drague ou pas. Parce qu'il y a le voile de prêtre qui t'empêche de mettre cette idée en tête. Mais si tu as accepté, il accepte aussi. Oui, comme ça. Mais il ne m'intéressait pas. Je vois, bon, moi, je connaissais même peu la joie d'argent. C'est l'argent qui t'intéressait là-bas, oui. Oui, je comptais sérieusement. Tu fais un peu comme Judas. Oui, je prenais un peu comme ça. Mais pour les prêtres, là, bon, la phase est un peu passée. Parce que le prêtre qui sortait ma camarade, un jour, je me suis monté sa voiture, il pensait qu'il devait me draguer, il ne m'a pas dragué. Ça m'a dégoûté, bon, on n'est pas du moins plus intéressé. Tu as dit, ok, dans ce cas, tu n'es plus le prêtre. Revenons maintenant dans la vraie église. À la vraie église de Dieu, il y avait le fils du pasteur. Quand je l'ai vu, j'ai eu l'intention de le séduire. Tu as dit, non, c'est le fils du pasteur, maintenant, ce n'est plus le prêtre. Oui, j'avais l'intention de le séduire. Je ne sais pas si ça a marché ou pas. Parce que il se montrait un peu trop prudent. J'ai eu l'impression qu'il bon, parce que j'étais un peu aussi distrait. Là, j'étais aussi distrait. J'avais une personne, je lui regardais. J'ai dit que, bon, parce que je regardais tout le monde. Je vois une personne un peu débraillée. Je mets par exemple débraillée. Tu as senti que les gars, il était un peu le seul ici, qui était un peu frais. Oui, qui s'habillait un peu à mon goût. Oui, je lui regardais. Donc, pendant qu'on était là, il faisait culte, les gens chantaient là, tes yeux étaient par là-bas. Et ton cœur aussi. Bon, il ne me plaisait pas tant qu'homme. Mais c'était le meilleur là-bas, quand même. Le meilleur qui était un peu. Oui, tant. Parce que personne ne me plaisait en fait. Je voulais seulement le séduire comme ça. Quand je lui voyais, la manière dont je lui parlais, un peu. Je ne prenais pas de distance parce qu'il y a une discipline là-bas. Les garçons n'ont même pas salué les filles. Donc, vous regardez chacun comme oui, le militaire. Oui, on ne va pas saluer, on se salue comme ça. On n'a pas, parce que pour éviter la mupicité, on a même séparé les garçons et les filles. Donc, quand on fait l'impression, on sépare dans le milieu de l'assemblée. Quand ils sortent là-bas comme ça, là, c'est comme ça qu'ils marchent toujours. Oui. Et à la maison, c'est comme ça qu'ils font toujours. Oui, distance, on ne va pas causer cela, ce machin. Mais lui avec moi, on avait dit c'est pour eux là-bas, c'est l'église. On se voyait, on causait bien. Mais chacun était prudent de son côté. Bon, chacun comprenait. Et quand on était souvent là, on aimait plus parler de ce domaine. Les garçons, filles, du sexe, machin. Vous n'étiez pas là au niveau de la prédication à faire comme ça, la sanctification? Non. Mais quand avec d'autres personnes, oui. Mais avec lui, jamais. Quand vous êtes ensemble, chacun se voit, on se regarde. On se parle. Quand vous sortez maintenant, c'est le cours de sexologie. Oui. On causait un peu par rapport à ça. Mais on n'allait pas loin, parce qu'on était prudent. Revenons à un endroit. Donc ton entrée au milieu chrétien s'est faite à l'instant où tu allais voir cette femme-là qui traçait et qui t'a invité. Tu es parti et désormais tu as pris l'habitude de commencer à partir. Et étant là-bas à ce milieu-là, on t'a posé la question, tu t'es baptisé quelque chose? Je ne me suis pas baptisé. Oui, tu suivais quand même le bas enseignement. On ne savait pas qui tu étais, mais parce que tu t'habillais exactement comme eux aussi. Oui. Et là, maintenant, on savait que j'étais nouvelle. Quand tu es nouveau, on connaît. Oui. Et là, maintenant, et là tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? En fait, je suis nouvelle. Tu es nouvelle. Nouvelle, en fait. Oui. Et en ce cas-là, tu te considères comme chrétienne? Non. J'ai toujours su que je suis une païenne. Oui. étant là-bas déguisé en l'habit de chrétien. Connaître Dieu. Mm-hmm. Je vais le connaître. Mm-hmm. Continuons. Oui, et là, il semblait qu'un jour j'avais porté du décoté. Mm-hmm. J'ai constaté que le pasteur, ses yeux ont été défilés sur ma poitrine. Mm-hmm. Ça m'a intéressé. Oui, tu as dit que waouh. Oui. Le pasteur voit mon cas. Et le pasteur était marié. Celui dont tu dis que le père était marié. Que c'est son fils que tu voyais. Non? Oui. Donc tu as regardé le fils dérange. Tu vois sur le père. Oui, mm-hmm. le père. Au début, ça m'a plu. Mm-hmm. Au début, ça m'a plu. Et une fois. Mais lui, il n'a pas fait exprès. C'était plutôt un défilé des yeux. Mm-hmm. Mais ça m'a plu quand il a fait. Mm-hmm. Il m'a plu. Et je voulais aussi qu'on m'habille un peu comme ça pour mm-hmm. que ça il me regarde. Mm-hmm. Oui. Après, mais quand tu regardais, ça te plaisait. Tu pensais ça que ça me plaisait. Oui, du fait qu'il a. Il me regardait. Son regard, oui. D'un autre côté, j'avais peur pour lui. Mm-hmm. Parce qu'il dit que non, c'est un serviteur de Dieu. S'il pêche, Dieu va le frapper. Mm-hmm. Je ne veux pas que Dieu le frappe à cause de moi. Mm-hmm. Bon, et tu crois qu'il va le frapper, il va te laisser. Après, je ne pensais pas à ça, je voyais de son côté. Mm-hmm. Pour moi, je savais que j'étais la païenne. Mm-hmm. Moi, je disais que c'est lui, c'est lui le chrétien. Que c'est à lui de faire attention. Oui, mm-hmm. Pour moi, c'était comme ça. Voilà. Et ça, mm-hmm. j'étais déjà dedans. Mm-hmm. Mais je ne veux pas que lui tombe comme moi. Mm-hmm. Et un plus que j'ai porté une jupe serrée, mm-hmm. quand je me suis tournée, j'ai constaté que ses yeux étaient derrière mes fesses. Mm-hmm. Ça m'a gêné mm-hmm. pour lui. Mm-hmm. Il dit que non, il ne doit pas faire cela. Ce n'est pas normal. J'ai commencé à me désintéresser. Mm-hmm. Pour le fils du pasteur, quand j'ai commencé à voir qu'il s'intéressait à moi, mm-hmm. ça m'a désintéressé. J'ai voulu couper les ponts. Mm-hmm. J'ai voulu prendre distance avec lui. Mm-hmm. Alors qu'au début, ça m'intéressait. Mm-hmm. Ouais, avec lui, j'ai laissé cette phase. Je voulais plus causer avec lui. Je l'évitais même. Mm-hmm. J'évitais même les commentaires impudiques que je posais avec lui. Et s'il plaisait dans ses commentaires impudiques? Lui, il se plaisait aussi. Mm-hmm. Parce que lui, il n'est pas aussi très, très sérieux. Mm-hmm. Lui, il a la région de ses parents. Mm-hmm. Et beaucoup d'entre eux sont comme ça. Ils sont à l'intérieur, ils suivent la régie, la réalité, mais à l'extérieur, ils font autre chose. Oui. Mm-hmm. Bon. Avec le pasteur, avec l'église, bon, c'était aussi là. Mm-hmm. C'est là que j'avais aussi vu un autre pasteur, un jour qui a prêché. Quand il l'a vu, il était tellement beau à mes yeux, il dit que je veux me marier à l'église. Juste à cause de lui. Tu as dit que c'est bon, le pasteur. Oui. Mais le pasteur là. J'évitais de combattre ce pasteur, j'évitais de m'imaginer avec lui, mm-hmm. j'évitais vraiment. Mais j'avais une fois vu dans mes rêves qu'il voulait me demander un mariage. Bon, je me suis dit que bon, c'est mon image, je suis conscient. Mm-hmm. J'ai essayé de chasser ça. C'est toujours à la vraie église, oui. La même assemblée. Oui. Mm-hmm. J'ai toujours essayé de chasser cela. Bon, avec lui, c'est. Et quand j'ai me suis que je ne savais pas qu'il était marié parce qu'il avait les jeunes à. Ah, mais ce qui était mal, ça m'a même soulagé parce que je ne voulais plus, je voulais me la chasser. Alors qu'au début, ça me plaisait toujours. J'ai chassé cela. Je ne sais plus trop ce qui s'est passé. Je ne sais plus trop. Maintenant, voilà, après, j'ai maintenant, en 2014, parce que c'était en 2013, en 2015, j'ai dit que bon, je vais m'engager avec Dieu. J'ai fait ma prière, j'ai dit à Dieu que tout qui considère que je me suis baptisé. Mm-hmm. Et que j'avance avec lui. Mmh. Il va être suivi. Mmh. Bon, alors on va aller doucement. Mmh. Nous avons commencé depuis 4 ans jusqu'à ce qu'on se retrouve en 2015. Mmh. Ce qui est surprenant, c'est que tu n'as pas eu de contact sexuel avec un garçon. Mmh. C'est-à-dire que c'est l'une des révélations de ces choses ici, de l'œuvre mauvaise satanique. Mmh. C'est-à-dire que malgré que tu sois perverse, satanique, séductrice à outrance, tu n'es pas allé dans un contact intime dont un garçon ne t'a jamais connu. Et tu es comme ça, mais tu es plus perverti que quelqu'un qui connaît les hommes. Oui. C'est terrible, pas vrai? C'est terrible. Mais qu'est-ce qui t'empêchait d'aller avec les garçons jusqu'au bout? Parce que j'ai toujours voulu être. Je ne sais pas plus. Je savais que non, c'est bien quand une fille se marie. Et ils connaissent là dans le mariage? Oui. Et curieusement, tu as envie de voir les choses donc, qui concernent les choses qu'on voit dans le mariage avant? Oui. Mais ça me gênait. Je voulais toujours cette vie-là, cette vie que Dieu a mis là. C'est toujours ça que j'ai toujours voulu. Mm-hmm. Mais mon désir était porté par autre chose. Par autre chose. Donc, Donc tu voulais dans l'intérieur faire la loi de Dieu, mais la chair t'entraîne dans tel domaine. Oui. Mais il y a quand même des blocus qui t'empêchaient d'aller jusqu'à un certain niveau. Oui. Alors maintenant, 2015, tu voulais parler. 2015, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je vois encore la télé. Parce que j'avais oublié la pornographie que ça devait appeler. Je ne sais pas que quelque chose m'a dit. J'ai attendu. Mmh. J'ai revu les scènes pornographiques là. Mmh. Attendons, tout à l'heure, avant que je ne t'interrompe pour parler du fait que tu n'as pas encore connu d'homme et que tu es encore vierge, que tu t'en conviens jusqu'à 2015 là, il t'a dit, tu t'as dit que tu as dit faire quelque chose à Dieu, une parole à Dieu en disant que tu te considères que voici 2015 qui arrive, quelque chose comme ça. Oui, que voici 2015 qui arrive. Oui. Je considère comme si parce que je sais qu'il va se baptiser sur une nouvelle machine, mais je dis que à partir de je veux considérer que je suis à baptiser. Mmh, donc toi tu es baptisé. Oui, je voilà. Sais que je... Donc c'est baptisé spirituellement. Oui. Je considère que je suis à baptiser. Mmh. Et que je grandis comme ça. C'est là que j'ai commencé à jeûner, à prendre à jeûner. Même comme c'était un fardeau pour moi de jeûner, je partais même, j'avais un cousin qui avait le cancer. J'ai pris même l'engagement de lui de prêcher la parole de Dieu, que tu es puissant, que tu confesses même tes péchés, que ton cancer même peut disparaître, que tu peux guérir. Tu es toujours dans la vraie église. Oui. Parce qu'on a prêché sur la toute puissance de Dieu, j'ai pris le jeûne pour venir lui parler. C'est ça, parce que le cancer avait rongé, ça a rongé tous ses yeux. Et ça n'a pas marché avec lui parce qu'il s'est montré un peu plus nul que moi. Il m'a vraiment découragé. Il est mort pas derrière. Bon. Ah, c'est parce que quand je me conseille comme ça, je sais pas ce qu'il m'a pris. Je suis resté un jour. Je voyais les scènes, j'ai mis la télé. Je suis resté là-bas jusqu'à, je crois, 23 heures. Tout le monde dormait déjà. J'ai vu la scène pornographique et c'était... une scène vraiment horrible. Ça me dégoûtait au début. Ça me dégoûtait depuis, mais je persévérais pour voir. Je n'arrivais pas à atteindre la télé. Mais ça me dégoûtait. C'est comme tu étais comme figé. Oui, j'étais comme figé. Il y avait une force là qui me maintenait là. Je voyais toujours, À un moment donné, que je s'est transmis à moi. Ça, on va s'arrêter là-bas. Donc, tu es allé à la télévision. Nous sommes la nuit ici. Oui. Tu allais le voir. Qu'est-ce qu'on a représenté à la télévision? Une scène pornographique. Pornographique. Et là, tu commences à voir, tu ne peux pas éteindre la télévision, ni ceci, tu ne te sens pas capable de le faire. Et à un moment donné, de la scène, quelque chose explique. J'ai l'impression que quelque chose s'est transmis à moi. J'ai vibré. C'est alors là que maintenant j'ai commencé pour la première fois à faire masturber. Oui. Alors quelque chose, comme si quelque chose sorti de l'écran entrait en toi. Oui. Et là, tu as commencé à te masturber. Alors, explique la scène. Quand tu es entré, tu as senti que ton corps est devenu différent. Oui, j'ai senti cela. Mais je me sentais tellement jugé, je me sentais tellement mal, je me sentais jugé quoi. J'ai l'impression que quelqu'un me jugeait. À un point, je n'avais pas eu le courage d'aller dimanche à l'église. J'ai dit que non, que je ne suis pas à l'église, je veux souiller la salle. Je me sentais souillé en fait, je ne suis pas parti à l'église. Et aussi... L'autre, quand m'a vu, on a seulement dit que j'étais en train de regarder, ça m'a encore senti un peu, m'enfermer sur moi-même. J'ai essayé de ne plus le voir. Un jour, un soir, je lisais la Bible. Je lisais Ézéchiel qui disait que je ne veux pas que le méchant meure, qu'il se convertisse. Une voix me dit qu'il va voir la télé, va allumer la télé. Je ne pas allumer, c'est la scène qu'on a fait que je tombe. Donc, par exemple, tu as lu la Bible, que tu ne veux pas que le méchant même qui se convertit vive dans ce Esaïe, Ézéchiel 18. J'étais tellement content de ce passé que je veux confesser mes péchés, Je ne veux pas allumer la télé. Tu as dit, hé. Je suis allé seulement aller allumer la télé. Je suis tombé. Net sur la scène pornographique. C'est alors là que, non, j'ai maintenant pris plaisir à cela encore bien, bien, bien. Et je me sentais toujours jugé, mais avec le temps. Pendant que tu vois à ça, tu parlais dans cette église pour la pornographie et tu lisais la Bible. Oui. Tu lis la Bible, tu fais la pornographie. Oui. Et quand c'est mon heure, j'oublie d'avoir la Bible. Oui. Mais c'est autre chose, je sais que la Bible, c'est juste strict, mais à ce moment-là, je sais que non. Oui. À ce moment-là, tu déposes tout, tu parles à la pornographie. Et qu'est-ce que tu contrôles? Tu pensais, c'est comme si c'était naturel maintenant. Oui, au début, c'était comme si c'était naturel. À un moment, j'ai dit que bon, si, comme on dit que. Je voyais qu'on dit que les gens rétrogradent souvent Jésus-Christ. Moi, je ne veux pas rétrograder. Et si moi, je rétrograde, c'est pour être prostituée. Parce que si je rétrograde, c'est pour séduire les hommes. Mais je ne rétrograde pas. Ça, c'est les pensées qui te venaient. Oui. Parce que bon, pour moi, si je laisse Dieu, je ne laisse pas Dieu pour rester simple païen. C'est pour aller séduire. Et c'est ça que je veux faire. Donc, tu ne dois pas rester à la surface. Non. Tu vas seulement faire les gens, tu sais, le travail. C'est ce que tu vois à la télévision. Oui. C'est les pensées qui te venaient là. Oui. Que si je laisse Dieu, c'est pour faire ce ça le travail. C'est ce que je disais. Et quand je le voyais, je me culpabilisais. Une personne me dit que mais qu'est-ce Dieu ne, tu ne penses pas à Jésus. J'essaie d'ignorer cette voix qui me dit, je pense à Jésus. Et Dieu omniprésent. Et ici là vous te voir, ça me dérange. J'essaie un peu d'ignorer cette voix. Je vois toujours, Et elle m'a dit que toi tu es chrétienne ici. Parmi tes frères, tu es la seule personne à voir ce genre de film. Eux, ils ne parlent même pas à l'église, ils voient ce genre de film. Ils ne voient pas. Mais toi, tu vois. Tu es pire que eux. Je suis pire que eux. Je me sentais jugée. mais c'était plus fort que moi. J'ai essayé d'ignorer. Après, j'ai commencé à voir les j'ai pris les livres des témoins de Jéhovah qui parlaient de que la masturbation. J'ai lu ça, que quand tu te masturbes, il faut prier. Tu marches même, tu fais le sport pour suivre. J'ai essayé, en fait, quand la scène venait, ce désir venait, j'essayais, mais là, je marche, je saute même pour tu transpirer. Après tu finis, tu pars quand même voir la scène. Oui, je vois la scène. Maintenant, quand je désir, quand je voyais, je ne voulais pas me masturber. Mais jusqu'à là, c'était plus fort que moi. Oui. C'était plus fort que moi. Et j'essaie un peu de sauter. Tout ce scénario de sexualité dans ta vie, est-ce que les membres de ta famille pouvaient se suspecter cela? Tout sauf moi. On pouvait suspecter tout le monde. S'il y avait quelqu'un de sérieux qu'on considérait, c'était toi. C'était moi. Mais ta vie que tu menais, c'est la vie de l'enfer. Oui. Et j'avais déjà à un point que je suis quand même. Je pense que c'était même ça. Ça a eu les choses qui m'ont. J'ai eu des difficultés à l'école à cause de ça. Parce que je me sentais tellement coupable que. Je savais quand j'étais en classe, pendant que le professeur faisait les cours, au tableau, je voyais les gens en train de faire ça. Au tableau, j'imaginais avec la craie, les scènes. Je dessinais même sur mon cahier, les scènes. Les scènes de pornographie. Oui, pour voir. En classe. Et ça me dérangeait. Et je, comme il y avait les catalogues, les jeux, je tombais. C'est comme si dans les catalogues, quand je tombais sur les catalogues, je tombais toujours sur ce qu'il y a des scènes. Sur les catalogues. Donc chaque fois, les images que tu tombais, c'est truc de pornographie. Oui. J'étais même allé aux toilettes, pour me masturber aux toilettes. De l'école. Oui. Et j'étais tellement culpabilisée. Même l'école, même rien. Et là, il y a eu quand même. L'école en a pris un coup. Là où tu étais première, tu commences à dégringoler. Oui, là c'était déjà à la fac. C'est à la fac là. Bon, j'ai commencé, je suis dernier la classe, j'avais même trois de moyens. Trois de moyens? Oui. Et ça n'est pas poussé aux gens de réfléchir? On a dit que c'est l'église, que je ne m'ont pas dit que c'est parce que je lis la Bible que je suis dernier. Alors que tu lis la Bible, après tu peux faire notre église? Oui. Au fond, je savais que c'était pas la Bible. Oui. Et tu ne pouvais pas nous dire la vérité? Je ne pouvais pas. Et tu trimbalais comme ça ce fardeau de la vie sexuelle perverse là, dans ton cœur, comme ça, dans ta vie, comme ça, jusqu'à. C'est là que j'ai commencé à aller honnête. J'ai commencé à aller chercher honnête que. Chrétien et masturbation. J'ai commencé à chercher comment les gens s'en sortaient, vu les prières que les gens faisaient. Je n'ai jamais répété les prières, mais je voyais comment ils disaient que je ne suis pas seule sur cette terre. Tu as dit que ça t'a pas. Oui, j'ai dit que je ne suis pas seule qui tombe sur ce coin-là. Je suis tombée, elle m'a dit qu'en fait, un homme ne se délivre jamais. Donc, il n'y a pas de pouvoir contre cela. Oui, que c'est la grâce de Dieu. Mais il y a une fille qui a dit que. J'avais appris qu'on dit qu'on se délivre quand on confesse le péché. Bon, je prie alors Dieu qui me donne le pouvoir de confesser ce péché. Et j'ai tellement honte de confesser que je ne peux pas confesser ce devant toute la salle si j'ai honte. J'ai une en Christ qui m'avait en parlé qu'elle avait confessé cela. Les gens commençaient à la regarder bizarrement. Ça m'a encore mis plus la honte de le faire. Après, je dis que de toute façon, je voyais que de toute façon, un jour, je vais me délivrer. Je voyais quand même. Après, j'ai vu. Je me sentais tellement coupable. Je me suis mis à genoux devant, j'ai dit que j'avoue que je suis vraiment esclave. Sauve-moi, pardon. Je t'en prie. Que je sais que tu es là pour me, tu es là. Tu m'entends. Je veux vraiment te libérer. Et j'étais sûre vraiment. Quand j'ai dit, j'ai fait cette prière. Tu étais sûre que tu étais libérée. J'étais sûre que peut-être lui qui va intervenir ma chaîne. Le matin. J'étais sûre. Le matin. Je me retombe encore, c'est ça le matin. Donc finalement, tu t'es masturbé même sans les images pornographiques que tu fais. Il suffit seulement que j'imagine la scène, c'est fini. Mais pendant que tu le faisais, une partie de toi disait que c'est pas bon. Mais tu ne peux pas t'empêcher de faire. Oui. J'avais l'impression que je le faisais même avec un esprit. J'avais l'impression que qu'il y avait un homme là derrière, devant moi. Sauf qu'il n'était pas là, je ne le voyais pas. Oui. C'était là, plus fort que moi. Je priais. Un moment donné, quand je suis retombée, après cette prière, quand je suis retombée, j'ai dit que non, on se moque pas de Dieu. Si je vais encore prier, il va encore tomber. Dieu va le même se passer. Je laisse. De toute façon, si tu fais, si tu veux, ça sert à rien. Je vais seulement faire ma chose. Parce que je ne sais pas. Un jour. Et quand tu faisais la satisfaction charnelle, c'était comment? Je me dégoûtais. Tu te dégoûtais, mais tu ne peux pas t'empêcher. Oui. Nous sommes d'accord que c'est le signe que c'est une possession démoniaque. Et j'avais rêvé que j'avais vu les chiens marcher dans mes rêves. Des chiens? Oui. Oui. Ils marchaient comme les êtres humains et ils voulaient me violer. Oui. Les chiens, ils voulaient me violer. Et ils avaient le sexe là-dedans. Voilà. Donc, voici donc le signe même justement pour ceux qui vivent dans la fornication et toutes les impuretés sexuelles. Le signe principal dans les rêves, c'est la présence des chiens. Quand on voit les chiens qui vous poursuivent dans les rêves, qui vous poursuivent au là-bas, autre, ça veut dire que vous avez un esprit de la fornication. Vous êtes à, votre esprit est lié à la fornication. Oui. Et j'avais aussi rêvé deux hommes costauds, oui, blancs, un peu comme l'ancien tantan de Jésus. Mm-hmm. Costaud. Il y avait deux chiens noirs qui étaient vraiment en colère contre moi. Oui. Et ils m'ont poursuivi. J'ai fui. J'ai vu. Je ne sais pas si c'est une maison ou c'est quoi, j'ai ouvert pour me cacher. Mm-hmm. Dès que je me cache, je fais ma queue, je me tourne, je vois un monde en train de coucher ensemble. Oui. Vous voyez ça? Donc, ce qu'on appelle l'orgie sexuelle. Oui. Mm-hmm. C'est là que maintenant, je me suis maintenant intéressé encore à la pornographie. Mm-hmm. J'ai commencé, j'avais des désirs autres. Mm-hmm. J'ai maintenant commencé à. J'avais vu maintenant, chez Témoin, je vois comment un homme disait que dans son téléphone, il cherchait sa patte dans son téléphone. J'avais dit que, à travers le téléphone, je peux mettre, j'ai mis le nez dans mon téléphone. Mm-hmm. Je mettais dans le téléphone pour voir toute la journée. Mm-hmm. Donc, là maintenant, tu n'avais pas besoin d'aller regarder la télévision. Non. Tu avais ça plutôt dans le téléphone, oui. Tu voyais la pornographie. Quand oui. Tu peux être là encore, peut-être c'est le SMS que tu lis, oui. Alors que tu as visionné la pornographie. Oui. Tu visionnes, tu te masturbes. Oui. Et pendant le soir, je prenais l'ordinateur parce que c'est pour travailler. Mm-hmm. C'était juste pour voir. C'est là que je suis entrée avec les insectes, mm-hmm. Les parents. Et dit que les parents, filles. Mm-hmm. Donc les incestes. Oui, ça entraîne dans l'inceste. Père, fille. Mm-hmm. Je suis tombé même dans l'animaux, le cheval avec les femmes, les chiens avec partout. Et quand tu le voyais, quand tu visionnais? Quand je voyais, ça me dégoûtait, mais je voulais toujours voir. Mm-hmm. C'était toujours comme ça. Bon, ça me contenait que donc c'était vrai, Sodome et Gomorrhe était vrai. Mais ça me plaisait de le voir. Après tu te masturbes? Oui, mais ça me dégoûtait encore. Mm-hmm. Je continuais à voir, après je vois les professeurs, les gynécologues, élèves, tout seul, même les policiers, avec les policiers, les bandits, même. C'était, il y avait tout genre, tout ce que je pouvais imaginer dans ma tête. Dès que ça met dans ma tête, pas que ma tapeau, si ça existe. Et je tape, savoir que ça existait vraiment. Bon, c'était aussi aller là comme ça. À un moment donné, maintenant, quand je suis. Et ça me jetait là, quand j'étais à Lompom, quand j'ai rencontré même Aline. J'étais là dans la chaîne d'attente. Chaque soir, je vais devant la télé parce que j'attendais toujours qu'une scène comme ça arrive. Mm. Ça venait peut-être de 3 heures. Mm. Peut-être à minuit, les moustiques me piquaient, j'attendais seulement que les scènes. Donc tu bravais les moustiques pour attendre les scènes de pornographie. Oui. Mm. Pour les scènes de pornographie. Alors que quand c'est pour prier ou la Bible, j'y ai sommé. Jusque-là, jusqu'à ce moment-là, à Lompom, dans ce quartier Lompom là-bas, tu es toujours dans la vieille église. Oui, c'est toujours la vieille église. Oui, et jusque-là, à l'intérieur, personne ne sait ce que tu vis. Oui. Oui. Tout le monde parle. J'étais là. Après, j'ai rencontré un homme. Un homme, il m'a pris sur la moto. Je lui ai dit ça. Mm-hmm. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Je lui ai dit que. Ça, c'est celui qui conduit la moto. Oui. Mm-hmm. J'ai dit ça au bersekineur. Bon, qu'est-ce que je suis fatigué de cela. Je lui ai dit ça. Et lui, je sais pas. Il savait que lui était plutôt intéressé par moi. Mm-hmm. Et il savait qu'il était un chrétien d'une autre dénomination. Oui. Il a dit que si lui n'était pas marié, il devait donc. Que lui, si je lui ai intéressé, s'il n'était pas marié. Il n'a pas voulu t'aider plutôt. Ah, il m'a dit que si tu veux Dieu, il m'a demandé que tu veux. Que il dit à Dieu que la chair est faible. L'esprit est disponible. Mais l'esprit, ma chère, il m'a demandé si je veux recevoir le Saint-Esprit. Puis il m'a dit que non. Non. C'est pas. Dans mon cas, ça, c'est pas une doctrine. On ne reçoit pas le Saint-Esprit comme ça. Mm-hmm. Bon, je l'ai seulement dit. Il a dit qu'il y a aussi il y a la masturbation mentale. Mm-hmm. Qui consiste quand tu t'imagines avec un homme, mm-hmm. Il n'est pas marié, tout ça, sa masturbation mentale. Bon, je lui ai dit ça, je l'ai pu rencontrer. Ici même, j'ai essayé de combattre toujours cela, j'ai combattu, combattu. Je retombais à chaque fois. Tu étais toujours vaincu. J'étais toujours vaincu. Mm-hmm. Et ça me fait que souvent je prenais mon cahier et dis que bon, je me réveille peut-être à 8h, je dis que de 8 à midi, mm-hmm. Je ne le fais pas. Mm-hmm. Tu avais tes périodes anti-masturbation. Oui. Tu allais en guerre anti-masturbation. Dis 8 à midi, je ne vais pas vous voir. Oui. Mm-hmm. Souvent même à 11h, je tombe. Si le Seigneur ne nous délivre pas, qui peut se délivrer? Parce que je n'ai pas compris, dis que mais les gens qui se délivrent, ils font mon combat. Je n'ai rien compris. Je sais encore, c'est comme si je n'avais pas bien lu vraiment. Je rentrais encore dans le monde, je cherchais encore s'il y avait des gens qui étaient délivrés. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il a trop prié. Dit que, mais pendant le jeûne, je jeûnais même pendant le jeûne, je suis retombée. Il a dit que de toute façon. L'autre là, je suis fatiguée. Mm-hmm. C'est là que maintenant, après, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, un jour j'ai appelé pour le téléphone, la seule qui a répondu. Mm-hmm. Mais après, je ne l'appelais même pas pour ça, je l'appelais juste parce que quand je suivais les enseignements que tu m'avais mis à l'homme là, il y avait le numéro, je suis tombée sur la seule, j'étais à l'école, bon, elle m'a dit que je n'étais pas disponible. Bon, en écoutant les enseignements, qu'est-ce que tu avais? Allons-y, on veut. Tu as suivi les enseignements. Voilà, j'ai suivi les enseignements. Je suis tombé sur les enseignements qui parlaient de ça. Que vous êtes chrétien, vous masturbez, repentez-vous. Moi, j'ai dit que ce n'était pas ça qui me plaît. C'est que je ne savais pas comment faire. Je voulais cette occasion-là. Puisque on prêche, je me levais là en salle, je n'ai pas le courage. Mais je savais que c'était normal qu'il faut se repentir, il faut confesser devant tout le monde, tout ça. Je voulais le faire, mais je n'avais pas ce courage. Et puis tout comme c'était l'occasion. Et surtout quand j'avais suivi comment un homme en disait qu'il avait un CD dans la Bible, cet esprit a dit oui. Et que si moi je viens aussi, on me trahit comme ça. Dans l'enseignement, quand il avait dit qu'il y avait un garçon qui avait dit. Oui, je voulais aussi que si je viens, ça, on me trahit comme ça. Je voulais te dénoncer, je voulais en fait comme ça. Je n'avais pas seulement le courage en fait. Là, quand je venais maintenant, je suis venu à m'inquiéter. Et maintenant, lors de l'enseignement sur le péché sexuel, tu vois que c'est ta vie exactement comme ça en train de décrire. Maintenant, après, il te dit, lève-toi. Je crois que tu étais la deuxième personne, troisième personne. Il dit, lève-toi, toi maintenant, tu as l'air de bagages. Quand tu as été pointé, quel était ton. Quand on a commencé, quand je suis venu, c'est comme si je savais ce qu'on devait pêcher. Oui. Dans ce jour-là, quand ce jour-là, c'est sur le péché sexuel au milieu chrétien. C'est comme si je savais qu'on devait parler sur le péché sexuel. Oui. Et puis, je lui ai dit que même si, comme je sais que Jésus revient déjà, tu déballes tout. Ah, parce qu'il m'a dit que peut-être quand les étoiles vont tomber, c'est-à-dire que si je vais tomber, ça va tomber que je serai là-bas. Quel que soit ce qui va arriver à la maison, je vais seulement aller. Oui. Ce que j'ai dit. On ne sait pas, les occasions comme ça, ce n'est pas toujours qu'on en trouve. Dès que je suis arrivé. Et il semblait qu'on a commencé à prêcher. Quand tu as dit que je ne veux pas vous dire de quoi je veux prêcher, c'est dans mon cas, il dit qu'on va parler que de ceci seul aujourd'hui. Je sais que c'est ça. C'est ça comme ça. Et la révélation. Je sais pas, je savais qu'on va parler que de ça aujourd'hui. Et quand on a commencé à parler, quand j'ai vu le frère Blaise se lever pour confesser, j'ai dit que quel courage dans mon cœur. Quel courage. Qui me donne ce courage-là de se lever. Et quand les autres personnes ont commencé à parler, il dit qu'après lui, c'est moi. À cet instant-là, j'ai voulu me pointer. Que lève-toi maintenant. Oui. Et après lui, c'est moi. Après, dès qu'il finit, moi, je me lève. Et à cet instant, tu m'as pointé. Et quand tu as parlé, tu as dit que sans avoir honte, j'ai eu l'impression que c'est le Seigneur qui me parlait. Parce que c'est ce que moi, je disais à mes frères, que j'avais honte. Et là, parce que une fois avant de venir à Makepe, la dernière fois avant de venir à Makepe, je me suis masturbée avant de venir. Et j'ai dit que, non, je ne peux pas venir. Moi, je pêche. Je vais aller à l'église. Ça ne sert à rien que je pars. Je me suis pas, j'ai maintenant pensé. Là, comment, ce que Satan m'a accusé à dire, c'est parce que Satan a dit que, regarde ce que je viens de faire. Après, je vais aller jouer la religieuse. Oui. Là-bas, une fois m'a dit que quand Satan a accusé, il y avait un prophète que Satan a accusé. Dieu a levé. Il dit que d'accord, ok. De toute façon, Dieu va lever. Je me suis levé, j'ai eu le courage d'aller samedi. Et c'est ce samedi où. Ça a commencé. Donc après ce samedi où je ne suis même pas là, j'ai raconté que le frère Achille. Je crois que c'est après le samedi qu'on a dit, maintenant dit qu'on se retrouve le 15. J'étais content. Tu étais content? J'étais content. Oui. Et cette même nuit, j'ai combattu les pensées au sein. Et ça a été, je pense que il y avait les hommes qui voulaient coucher avant. Dans la nuit, j'ai combattu ces pensées parce que il y a une parole qui a dit que vous allez combattre la victoire sans le savoir. Oui. J'ai dit que ok, je vais le faire, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais commencer. Jusqu'à présent, ça défile même. Quand deux personnes peuvent me dire que c'est ma femme, c'est comme si je vais les aller imaginer dans les chambres. J'essaie de chasser. Même pendant qu'on est en train de prêcher, je ne vais pas regarder quelqu'un en face trop longtemps parce que je vais essayer de l'imaginer. Je cherche. Donc tu vois que tu as eu le temps, c'est quelque chose qui a eu le temps de se construire depuis la jeunesse, depuis la tendre enfance. Eu le temps de s'asseoir avec toutes les scènes. Un peu comme une mamie qu'on met au feu, vous préparez sur la mamie du bois. Quand c'est noir, pour laver, ce n'est pas comme une mamie qu'on a mis sur un feu et que c'est noir. La façon de laver n'est pas identique. Donc c'est pour ça qu'on va travailler maintenant, d'accord? On va travailler. Maintenant, qu'est-ce que tu peux penser de ta soeur là? Elle te veut du bien. Oui, je sais qu'elle me veut du bien. Moi, je l'ai vu comme un ange que j'ai envoyé derrière moi. Pour te soutenir, n'est-ce pas? Donc quand tu seras bien en forme, tu vas intercéder pour elle, non? Pour son ministère d'aide. Ça non? Oui. Fini de manger. On va prier et maintenant on va en découdre avec cela. Tu veux que ça s'arrête? Oui. Vous dites que c'était un fun parce qu'on ne peut pas servir Dieu avec ça. C'est un fun, franchement. Tu as été marié dans l'eau. Mais regarde-moi pendant qu'on parle. Tu as été marié dans l'eau. Je me rappelle une fois, quand j'étais à la Vekish, quand ils sont entrés, j'ai fait un rêve. Je ne sais pas si c'était un homme ou c'est une femme, mais je ne voyais pas la visage de la personne. Mais je savais que c'était un démon. Il m'a poursuivi. J'ai essayé de fuir. Je suis arrivée chez ma camarade, elle était en train de préparer. Elle m'a dit que assieds-toi, il n'a rien mangé. J'ai vu ce démon. J'ai fui, je suis arrivée chez lui, il m'a vu, il a arrêté mon cou. Je ne sais pas, il voulait couper ma tête, mais il ne pouvait pas. C'était élastique. Il fallait que tourner. Je me suis réveillée, j'ai ouvert mes yeux, que ça ne continue plus. Oui. Je ne sais pas. Donc tu as été mariée dans l'eau. Tu vois, et depuis, ça, j'élimine tes parents dessus. Dans toute la, je fais tout pour ne pas interroger au niveau de tes parents, au niveau de ta famille. C'est exprès que je le fais. Je voulais que tu racontes plutôt ta vie parce que c'est un scénario qui était sur le cœur qui pesait. Je voulais voir que ça s'arrête. C'est-à-dire que ton fardeau puisse se lever de ton cœur avant qu'on ne touche vraiment. Parce que la vraie chose maintenant, c'est quelle est l'origine de ces choses. Est-ce normal qu'un enfant de 4 ans ait les signes de clin d'œil pornographique? Est-ce que c'est normal? Pour les enfants qui vivent là où il y a la télévision, vous pouvez encore comprendre que c'est la télévision qui le fait. Mais quand tu regardes quelqu'un comme ça, tu fais... J'avais jamais vu la télévision. Jamais vu la télévision. Mais tu sais que vous comprenez. Même les scènes de l'insecte, j'avais imaginé avant de découvrir qu'il y avait ça en écran. Qu'il y avait ça dans oui. l'internet. Oui. Quand tu restes, l'inspiration te vient de telle enseigne que un papa plus couche avec sa fille ou une fille couche avec son papa. Alors tu es marié dans... Ça c'est l'une des choses, hein. C'est l'une des choses que j'en ai raconté de l'âme. Mais je vais aller à la source de la chose. C'est quoi, pourquoi tu ris? N'est-ce pas, dans ton cœur, tu veux que Dieu dénonce tout cela, que Dieu dise quasiment quel est le problème et que la race s'arrête? Ou bien tu ne veux pas qu'il en parle? Non, je ne veux pas qu'on en parle. C'est ça que je suis. Voilà. Donc, tu es marié dans les eaux. Donc l'esprit qui est en toi sorti des eaux. Pour une mission de destruction. Donc normalement dans le programme de cet esprit là, c'est que tu n'as pas encore atteint le moment où il faudra vraiment qu'il soit utilisé, que tu sois utilisé. D'accord. C'est pour ça que il t'a permis d'aller dans l'église, parce que c'est ta mission effectivement était dans l'église. D'accord. Fais tomber les pasteurs. Ça va s'arrêter maintenant. Mais viens te retracer au niveau de ta maman. Regarde-moi maintenant. Suis attentivement ce qu'il veut dire. Je vais parler de la relation. Quand il parle, il regarde la friction entre ton papa et ta maman. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que l'autre a pris? Quelle direction l'une a prise? Et quelle autre direction l'autre a pris? Tu veux qu'on en parle? Ça te dérange pas non plus? Non, ça ne me dérange pas. Ça, c'est si tu as la raconté à quelqu'un. Nous sommes les frères. Ok, allons-y. Bon. À ce que je me parle et ma mère. Je ne sais pas, mais je sais que mon père a eu à tromper ma maman. Il a une fille d'ailleurs qui a le même âge que moi. Je sais pas. Mais je sais que, dans un moment donné, j'ai eu l'impression que j'ai pris ce domaine de ma maman parce qu'elle aussi, elle aime bien parler de ça. Quand les inconnus, même on vient à la maison, qu'elle sympathise avec un inconnu, ils ont plus parlé dans l'intimité avec le foyer. Et ça m'énervait toujours que ma mère parle toujours de ça. Le sexe. Oui. Ma mère aime plus parler plus de ça. Et souvent, ma maman, elle me tripotait souvent un peu à la maison. Ma maman. Parle-nous. Mais comme le jeu, je sais que ça m'énervait. Et même ma nièce, souvent, elle fait un peu avec ça avec elle. Bon. Je sais peut-être, je sais pas. Et tu penses que c'est simple? Est-ce que tu peux confronter ta maman pour lui demander clairement? Après ta délivrance, est-ce que tu peux la confronter? C'est sa volonté, je le fais. Donc tu lui parles que maman, je veux que tu me parles de domaine sexuel, de ta vie sexuelle. D'accord? Même si je sais que c'est un peu difficile, parce que ma mère est très impulsive. On s'attend presque pas. Elle a besoin de délivrance, tout simplement, parce qu'elle est dans la même situation que toi. Tu as pu camoufler ta part jusqu'à ce que personne ne connaissait. Tu sauras exactement qu'elle a besoin de délivrance. Et montre-lui qu'il y a le chemin de délivrance, d'accord? Finis de manger, on va passer au tatami pour confronter cet esprit-là. Alors, donc, ça, c'est la porte d'entrée du truc sexuel dans ta vie. Les autres ont seulement été ajoutés parce que comme chez Satan, on ajoute puissance après puissance. Les puissances viennent entrer. Prends la Bible, vois-tu, regarde Maintenant, on va travailler, d'accord? Ouvre Proverbe chapitre 16. Qu'est-ce que le verset 20 dit? Mes projets que forme le cœur dépend de l'homme. C'est sûr, des questions de l'Église, hein? C'est sûr que tu as lu le verset 20. Ah, couché 20. Verset, pas Proverbe 20, Proverbe chapitre 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie à l'éternel est heureux. Vous avez la même chose aussi. Si c'est celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Verset 30 maintenant. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Encore, lis encore. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Relis encore. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Encore. Celui qui se mord les lèvres. Lis. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Vous fermez vos livres, fermez vos bouquins, regardez quoi? Ça vous concerne. Levez-vous. Viens me lire, viens me lire avec ton livre. Allons-y. Proverbe chapitre 16, verset 30. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Encore. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Encore. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Celui qui se mord les lèvres a déjà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit impur. Ton mariage avec elle cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle. Elle ne t'appartient pas. Tu ne dois plus utiliser son corps ni son être. Quitte sa vie. Ça balaye dans tout son corps là maintenant. Donc c'est fort là maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, son corps est le temple du Saint-Esprit. Je t'ordonne maintenant. T'inquiète, tu ne dois plus. Toi qui, hein? Tu ne dois plus utiliser sa vie. Tu ne dois plus utiliser sa vie au nom de Jésus-Christ. Là, au nom de Jésus-Christ. Prends ça. Laisse ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce là? Là. Couche toi à côté de ton mari là que tu voulais épouser, non? Jésus-Christ de Nazareth. Là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est quoi toi? Au nom de Jésus-Christ. Là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas fini ici là. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Laissez-la maintenant à genoux là-bas maintenant. Maintenant, c'est traité avec elle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous voyez le cas de la jeune fille ici. En réalité, quand tu regardes à l'extérieur, tu crois que c'est extrêmement grave. Pas vrai? Que c'est tellement grave. La possession au premier degré, au deuxième degré, au troisième degré sont totalement différents. Maintenant, c'est différent de l'oppression. Il y a la possession, c'est-à-dire que l'être habite dans le corps. Maintenant, il y a l'oppression, c'est-à-dire qu'on contrôle à distance. Vous voyez cela? Maintenant, regardez bien son corps. Regardez, observez là-bas. Observez. Vous voyez, ici, il faut construire quelque chose autour de son cœur, autour de sa pensée. Si cette chose n'est pas construite de l'extérieur, on continue toujours à la manipuler. Vous comprenez ça, frère? Donc ici, il faut qu'une construction autour de ses pensées. Si ce n'est pas autour de ses pensées, elle va continuer comme ça. Tu me suis ça? Donc, ses pensées sont manipulées à distance. Ça peut faire arriver au nouveau haut, elle va enlever ce même ses habits. Fais pas. Au nom de Jésus, donc en réalité, ceci est plus grave que ça. Donc, pour le garçon, ce qui est au sol là, ça paraît plus très grave par rapport à celle-ci. Celle-ci, son rôle, c'est seulement de. Dès qu'on va construire toutes ces choses autour d'elle, ce qu'elle va faire, c'est de maintenir cela, maintenir le bloc. Un peu comme quand les policiers vont en guerre, quand on met les boucliers. Il faut maintenir cela. Quand on maintient, il n'y aura plus d'attaque à l'extérieur, de l'extérieur. Si on envoie l'attaque, ça touche à l'extérieur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit de forêt. Toi, esprit de forêt. Sors de ces garçons. Maintenant. Libère maintenant. Libère-le. Libère-le maintenant. Libère-le. Au nom de Jésus. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Il dit, ça, c'est plus grave que la fille qui fait le bruit là-bas maintenant. Sors! Sors! Sors! Sors! Ceci également, c'est parce que vous travaillez comme ça des marabouts. Ça c'est le marabout, ça c'est l'alliance avec chez les marabouts. Vous partez chez le marabout, on vous distribue les choses. Mais le marabout, c'est travaille avec l'esprit des forêts. Sors! Sors! Sors! Sors! Dans son esprit, il contacte son esprit dans la forêt. Sors! Sors! Sors de lui maintenant! Sors! Sors! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Sors! Au nom de Jésus! Lève-toi. Aide ton frère à s'élever. Tu peux pas nous dire ce qui danse ici. Mon doudou. Mais c'est quoi? Mon doudou. C'est quoi? Mon doudou. Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette fille a assez souffert comme ça. Tu quittes sa vie maintenant. Quitte sa vie maintenant. Je te l'ordonne. Tu n'as plus manipulé ses pensées. Terminé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le diable n'attaque jamais les gens qui sont. On attaque toujours les gens qui sont pressés pour le Seigneur. Précis. Il attrape quelqu'un comme Joseph comme ça, il manipule. Quelqu'un comme Moïse comme ça, on essaie de donner une information démoniaque. Le moment arrive, on dit, va au désert. Amen. Donc voici une fille que Dieu va utiliser quand même. Et ministre, sors, libère ses pensées maintenant, toi puissant des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu n'utiliseras plus ses pensées. Tu n'utiliseras plus son corps. Peut-être ne réalise même pas ce qui est arrivé dans sa vie. C'est plus tard qu'elle va comprendre vraiment. Quelle grâce Dieu a eu dans sa vie. C'est miséricorde de miséricorde. Si Dieu ne vient nous sauver, si le Seigneur ne vient vers nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton corps, ton âme, ton esprit appartient au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. qui est d'accord qu'on construit les choses autour de sa pensée. Qui est d'accord ici? Vous êtes d'accord? Il semble que Jean-Pierre n'est pas d'accord. Donc, lève-toi. Lève-toi. Je suis tête. Hein? Va t'asseoir. Où est ton foulard? Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour cette pluie, nous te disons. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour la sœur Paul, nous te disons. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour notre sœur, nous te disons. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour cette journée, nous te disons. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et pour ce frère, nous te disons. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Même pour Achel, nous te disons. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Même pour lui-même, nous te disons. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et pour elle-même, nous te disons. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et sœur Paul, nous te disons. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je veux que vous posiez les questions sérieuses maintenant. S'il y a des questions sérieuses à poser, posez les questions. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé, posez des questions. Si vous avez des questions. C'est comme ça. Lève-toi, chérie. Philippiens, chapitre 4, verset 8, dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est louable, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de nos pensées. C'est ça, frère? Amen. Voilà. Donc, si ces pensées sont contrôlées par cela, c'est bon. Si c'est autre chose, tu es fini. Vous voyez? La Bible déclare que les pensées perverses sont abomination à l'Éternel. Les pensées perverses sont en abomination. Donc, quelqu'un qui a une pensée perverse, exactement comme une femme qui porte le pantalon. Oui. Comment on arrive à penser ce qu'on ne veut pas penser? Parce qu'on pense au travers de toi. C'est pour ça que je vous ai dit dans un enseignement que le cœur ne peut pas rester neutre. Il faut que vous entretenez votre cœur. Et c'est comme si tu te défendais à ne pas penser cela, mais c'est comme si on te suggérait. On te suggère cela parce que tu n'as pas fait ce que Dieu a dit. Il a dit, donne-moi ton cœur. Il faut dire que tes yeux se plaisent à mes voix. Médite-le jour et nuit. Il dit que celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, dans la loi royale, n'étant pas un auteur oublié, mais se mettant à l'œuvre. Tu vois un peu l'espoir? Donc si tu regardes ton corps, ça ne doit pas te laisser indifférent. Tu vois cela? Mais si tu restes tranquille, en disant que je veux contrôler mon cœur, contrôler mon cœur, en voyant que tu es dans une pensée, tu en es sorti seulement de la pensée, tu ne sais même pas quand tu es entré. Je te dis, elle va rester comme ça, ça va gouverner ses pensées dans le mal. Mais ce n'est qu'une question de temps. Donc, il t'a dit ici que ça, ton cas, c'est le cas des marabouts. Ça, c'est le marabout et le marabout travaille avec la forêt. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ses pieds? C'est ici que je tente de le localiser. C'est ici. Je me souviens, c'est quand j'étais plus jeune, au village. Je me rappelle qu'il y avait un serpent qui m'avait mordu ici. C'est nous aussi. C'est vous, hein? C'est pas mal mordu là. Dans l'oreille. Non, physiquement. Non, c'est pas mal mordu. Bon, j'ai cherché à guetter le serpent pour le serpent. Mais j'avais quand même vu comment il m'avait mordu. Mais pas, oui. Ça fait comme si c'était quelque chose qui t'a pu, comme oui, une aiguille. Oui, mais je savais que c'était le serpent parce que je l'ai vu. Après quelques temps après, je ne l'ai plus vu. J'ai attaché au carreau. Bon. On est resté au village. Ça fait peut-être 7 semaines. Une 7 jours. Oui. Sans traitement. Oui. Ça enflait. Oui. Je ne sais pas comment le Seigneur a fait. La deuxième semaine, on a marché 25 km par l'hôpital. Oui. C'est là où on a l'antivenimé, c'est ça. Mais vous êtes sûr qu'on va en prier, si tu le pied là, c'est là-bas, n'est-ce pas? C'est le pied, mais ça c'est un esprit de forêt. Ici c'est le marabout, ce n'est pas l'histoire, c'est pas ce que tu as dit, mais le serpent nous suppose seulement le fait que Yushan est allé plutôt sur le pied, c'est tout, depuis là c'est le pied, c'est. Il dit, mais ça c'est l'esprit d'un. Je crois qu'il faut ouvrir les fenêtres là, ouvre les fenêtres de la chambre de la forêt pour que le vent puisse circuler. Ça c'est l'esprit de forêt, donc on est allé, c'est comme si on a fait une alliance, ça c'est la personne qui a fait, qui est allé avec le marabout, le démon l'a fait, le démon de la forêt qui travaille avec cette personne. Mmh. C'est vrai que il y a cela peut-être 2 ou 3 ans, j'entrais dans le monde professionnel professionnel dans le moment de chantier. Dans le chantier, j'avais commencé mon plus gros chantier qu'avec la cité. Bon, de toute façon, vous allez chez le marabout. Mmh. Est-ce que tu sais que le marabout travaille en relation avec la forêt? Je ne sais pas. Là, tu veux savoir, donc ça dit que le seul n'aura pas de service. Bon, ici, donc, il tente de dire, c'est pendant qu'on prie pour cette jeune fille, il tente de dire qu'elle a un rôle dedans, c'est de maintenir. Maintenir, c'est donc résister donc à cet instant après. C'est l'instant le plus dangereux, c'est ce que la Bible déclare, que quand l'esprit sort, cherchant, il va dans le lieu, cherchant où il va habiter, il ne va pas, il dit, je retournerai, parce que quelqu'un est habitué là où il habite. Il est habitué, il est accoutumé là-bas. Par conséquent, il dit, qu'est-ce que tu cherches sur mon tableau, mon cher? Alors il dit qu'il veut rentrer. S'il vient, il trouve qu'il y a l'opportunité. Il n'entre plus seul parce qu'il sait que quand il était seul, on l'a délogé. Par conséquent, il faut qu'il passe chez il faut quelqu'un. Comme si il a demandé la fornication, il dit que tu veux fumer un cigarette, il dit oui. Tu veux comment tu as habité, viens ici. Donc c'est pour ça que vous voyez que quelqu'un dit que quand il était en Christ, après qu'il s'est tombé, je suis devenu pire comme avant. Il ne comprend pas justement que c'est la Bible. Parce que ce n'est pas le seul esprit qui vient incarner. L'autre esprit aussi vient. L'autre vient prendre secours. Que habitons ici. Mais le principal, c'est celui qui avait la maison. C'est celui qui donne que voici ta chambre ici. Habite ici sans payer. Tu peux sortir quand tu veux, entrer quand tu veux. Cet esprit plus puissant, plus méchant que lui. Et on dit donc que la dernière condition de cette personne est pire que la première. Donc elle doit veiller sur ce qu'elle voit, sur ce qu'elle entend et ce qui est fréquente. Si elle avait été sur d'autres cieux, elle pouvait lui dire que tu dois habiter avec une sœur pendant un bon moment, en restant seulement dans la parole et dans l'écoute des enseignements, pour que la parole puisse la nettoyer totalement. D'accord? Donc tu as un rôle maintenant, c'est de maintenir. Vous voyez, par exemple, quand il fait comme ça, là, il y a, on ne ressentait rien. Vous voyez, vous ne ressentez rien. Vous voyez, c'est libre. Vous savez, quand vous allez à l'aéroport, comme ça, là, quand il le fait ici, ça fait pipi, comme par exemple, il y a le fait ici. Pipi, pipi, pipi. Alors, il faut qu'on admette qu'avant de quitter pour aller en Christ vraiment, là, il faut là. Délivrance. La délivrance veut dire c'est là où les cordes de la de conduction entre le monde des ténèbres et toi. Il faut qu'on coupe, on coupe, on coupe, on coupe pour que tu partes maintenant. Que Dieu vous bénisse. Avec ton expérience, qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes filles, d'abord aux parents, parce que tu as été avec des parents qui n'ont pas maîtrisé ta vie sexuelle. Tu peux mettre les mains ici. Qu'est-ce donc tu peux le dire? Je peux dire que les parents, vraiment, ils doivent veiller à ce que, quand on dit qu'aller dormir, oui, que les parents dorment. Et en plus, comme l'enfant se réveille tard la nuit pour aller à la télé, oui, eux-mêmes, ils doivent verrouiller la télé avant de dormir. Oui. Ils doivent verrouiller, même, ils n'ont pas obligé de dire aux enfants. Mmh. Et ils doivent souvent essayer en parler aux enfants. Oui. Maintenant, les enfants qui ont esquivé, qui sur la télévision, comme tu as esquivé, tu as vu ça sur le net là, comment ils vont faire? Puisque tu as dit qu'à un moment donné que tu voyais ça sur le net, sur ton téléphone. Donc tu pouvais être en privé, même sur ton lit, comme ça tu as le devoir à tout moment. Comment on va faire pour suivre toutes ces choses-ci? Tu penses qu'au niveau où le monde en est allé, on peut encore suivre en les fait, enfants? Il faut que les parents aient un dialogue avec les enfants. Oui. Parce que moi, je suis petit. Mmh. Parce que dans, comme peut-être chez nous, il y a une négligence, il n'y a pas... Je pas dit, oh, c'est un laisser aller. Oui, il y a ça. Il faut être un jaloux parce que avant même d'arriver au téléphone, c'est quand ça atteint son paroxysme que je suis arrivé au téléphone. Moi, au début, je me disais qu'il y a la télé. Oui. Et les jeunes filles comme toi, jeunes, tu as dit qu'il y a des gens qui voulaient imiter Nicki Minaj, juste Minaj, qu'on appelle Nicki Minaj. Et qui, tu avais ça c'était l'esprit de séduction, les pensées de séduction. Il y a des jeunes filles qui vont nous écouter, qui seront là-dedans. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Parce que c'est une bonne voie. C'est pas une bonne voie parce que derrière ces stars-là, il y a aussi ces esprits-là. qui sont des et qui, en les voyant, en les prenant pour modèle, ces esprits se transmettent aussi. C'est ça qui nous pousse à vouloir les imiter, mais dans le mauvais sens. Et quand ça nous enfonce, on revient à un point qu'on n'en peut plus. Et on est à déborder. Oui. On avance. Bon, je ne conseille même pas. Même les stars qu'on suit à la télé, là, elles sont là pour un rôle précis. Oui. Et plus on les voit, plus on change. Parce qu'au début, moi, Niki Nina ne m'intéressait pas. Mais à faire la musique, j'ai commencé à prêter attention à ses musiques et à elle-même. Oui. J'ai commencé à prendre goût et même son style, j'ai commencé. Oui. Donc c'est ça aussi, il ne faut pas... Vous savez que les jeunes filles veillent à ne pas écouter cela. Oui. Les musiques mondaines, même, vraiment, c'est vraiment... Il y a les démons là derrière cela. Oui. On ne peut pas voir, mais c'est quand tu suis que tu constates que tu as été transformé. Mm-hmm. Bon, je conseille aux jeunes filles vraiment de ne pas prendre pour modèle les stars. Okay. Elle restait elle-même, mais qu'elle ne prenne pas une star pour modèle. Okay. Et si quelqu'un nous écoute, une fille particulièrement, parce qu'il y a des filles qui sont dans le lesbianisme, d'autres sont dans la masturbation à outrance, et d'autres sont dans la pornographie comme ça, et comme toi tu l'étais, qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Premièrement, pour celles qui sont dans la masturbation, celles qui se confient à quelqu'un, qu'elles se confient, et que vraiment. Je ne peux pas dire que la prière suffit. Mmh. Elle a vraiment besoin de soutien. Donc elle va prier elle-même que ça suffise. Ça ne peut pas marcher. Vu ton expérience, que tu as dit plusieurs fois que tu as prié. Tu as prié. Ça ne peut pas marcher. Donc il faut une aide extérieure. Oui, elle a besoin de soutien parce que ça te renferme sur toi à un point que la vie dehors ne t'intéresse pas. Toi, tu veux seulement être à l'intérieur. Oui. Elle doit avoir quelqu'un qui va plus l'amener à sortir même. Oui. Plus découvrir que le monde est simple, là, il y a la pureté dans le monde, c'est simple, parce que quand tu focales, parce que plus tu te renfermes sur toi, plus ce sont les pensées qui gouvernent tout autour des pensées. Bon, parce que c'est quand souvent je sortais que les choses vraiment venaient un peu à la normale. Plus je me renfermais, plus ça prenait dessus sur moi. Bon, c'est là quelqu'un à qui elle peut se confier, qui peut l'amener vraiment à avoir le goût de vivre. Avec le temps, ça va partir, ça peut aussi partir tout seul. Oui. Et maintenant, comment tu te sens? Bon, je me sens très soulagée, très contente aussi pour la délivrance que le Seigneur vient de m'accorder. Amen. J'ai aussi la paix devant lui, parce que je sais qu'il m'a pardonné, parce que c'est par rapport à cette paix que je sais qu'il m'a pardonné, parce que en bas je n'avais pas cette paix, même quand je demandais pardon, mais aujourd'hui j'ai la paix. Amen. Je me sens vraiment libre. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour tout le travail que tu fais, que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Amen. Amen.